Est-ce que nous pouvons les encourager avec les acclamations? David dit ici, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Il y a des maisons et des maisons, mais la maison de l'Éternel, c'est une maison de joie. Et la maison de l'Éternel, c'est une maison de témoignages. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la maison de l'Éternel ce matin? Nous le retrouvons dans sa présence. Alors nous continuons toujours avec la louange. J'aimerais que nous puissions louer tous ensemble avec la chorale. David dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Alors j'aimerais vous demander à ce que nous puissions nous associer à la louange, que nous puissions louer pour la gloire de Dieu ce matin. Est-ce que nous pouvons acclamer tout d'abord pour la louange? Merci. Est-ce que tu peux pousser le cri de joie pour le Seigneur? Tu peux acclamer très fortement pour la gloire de notre Seigneur. Okobetsa mololo, mololo, mololo, mololo, mololo. Betsa mololo, mololo. Na bonze la kombo nene tama bika mwana ngaye na bonze la kombo nene tama bika mwana ngaye na ebi yoli na bami bila ya yonde solution ngaye na lakisa boliwa motema na beti mololo asoni Qui s'avalue à mon thème, la toute ma boîte sonne, sonne. A tabaka, ni mon nom, ma boîte n'a pas été lié. A tabaka, ni ma boîte, mon nom, on a été volé, volé. Bina, bina, bina, bina, bina, bina, bina. A la danse, à la danse. Oh, dit Alléluia. Merci, Swakon, pour le Kimasa, moi. Alléluia, Hosanna. Hosanna, Hosanna. Hosanna, Hosanna. Hosanna, Hosanna. Hosanna, Hosanna. Hosanna, Hosanna. Hosanna, Hosanna. Hosanna, Hosanna. Hosanna, Hosanna. Nasala ki malati e, Yesu ase kisi ngai. Nasala ki kobela e, Yesu ase kisi ngai. Nasala ki kolela, Yesu apa kisi ngai. Nabeta sama boko, nabeta sama boko, nabeta sama boko, nabeta sama boko, nabeta sama lolo, nabeta sama lolo, nabeta sama. Hey, come on, wakimbi na ewa. Jésus-Christ a marqué les billes. Satan a su 4 à 0. Je ne suis plus lié. Je ne suis plus lié. Oh, je ne suis plus lié. Je ne suis plus lié. Je ne suis plus condamné. Je ne suis plus condamné. Oh, ça t'a pâté ce soir. On y va. Aïe. Oh, ça t'a pâté le tisé. Il a tout accompli. Il a tout accompli. Il a tout accompli. Il a tout accompli. Oh, ça t'a pas débêtisé. On y va. Oh, ça t'a pas débagagé. Ah. Allez, ma si à Bolingo. Bolingo. Ma si à Bolingo. Ma si à Bolingo. Jésus. Oh, Masia, Bolingo, Bolingo, Bolingo, Bolingo, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, Yemi sabango, vina koma ya zambe. Yemi sabango, vina na eshaja. Oh, baza sabo, baza sabo. Ane baza sabo lelele, baza sabo lelele, baza sabo lelele. Eto bolole. Fica na caca na quinta e tem. Fala uma mulher. Olha só, fala uma boca ali, colo. Vem. tourne à gauche. Allez-y, ma boutine à droite. Changement de fréquence, go! Et ça, mon lolo! Dis-moi l'olé, t'es obligé de la moukonze. Lola. Gabi se malola. Est-ce que nous pouvons célébrer l'Éternel avec nos acclamations? Je disais à une personne, est-ce que nous pouvons célébrer l'Éternel avec nos acclamations? Est-ce qu'on peut exagérer encore avec nos acclamations? L'Éternel est bon et chaque jour du haut des cieux, il attend que nous puissions l'élever à travers nos acclamations. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. J'ai aimé la conversation de Jésus-Christ avec la femme samaritaine dans Jean chapitre 4. Et cette conversation, Jésus-Christ a beaucoup échangé avec la femme samaritaine. Mais dans le verset 21, Jésus dit à la femme samaritaine, il dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous adorons ce que nous connaissons, car le salut appartient aux Juifs. Est-ce que nous pouvons acclamer tout d'abord pour la gloire de Dieu? Alors, ce matin, ça ne sera pas une simple adoration, mais ça sera une adoration des gens qui connaissent Dieu. Des gens qui reconnaissent la grandeur des cieux, l'amour des cieux dans leur vie. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. Il est le Dieu d'amour et le Dieu de compassion. Il est le créateur de toutes les choses. Ce n'est pas aujourd'hui que la vie va s'arrêter, car Jésus lui-même dit, je suis la vérité et la vie. Alors ce matin, j'aimerais que quelqu'un élève sa voix et commence à élever le grand Dieu qui est au-dessus de toutes les choses. Est-ce que l'Église, nous pouvons élever nos voix et commencer à élever le grand Dieu? Seigneur Dieu de gloire, Jésus, nous sommes en train de t'adorer en ce moment. Nous t'adorons parce que tu es digne. Nous t'adorons parce que tu mérites notre adoration, Seigneur Dieu des grâces. Nous sommes en train de t'élever, Seigneur Dieu de gloire, en ce moment, dans les cieux. parce que tu es digne de recevoir, ta donné Dieu, notre adoration, Seigneur. Seigneur Dieu de gloire, nous t'adorons de tout notre cœur. Est-ce que tu peux monter encore? Tu peux monter nous t'adorons encore, de tout notre cœur ce matin, Seigneur Dieu de grâce. Parce que tu es digne d'être élevé, Seigneur Dieu de grâce. Nous sommes en train de t'adorer, ta donné Dieu, toi seul, Seigneur Dieu de grâce. Toi seul est digne de recevoir notre adoration ce matin. Nous sommes en train de t'élever au plus haut des cieux, Seigneur Dieu de grâce. Nous t'élevons au-dessus de tout, ta donné Dieu de grâce. Car tu règnes à jamais, Seigneur Dieu de grâce. Car tu règnes à jamais, Seigneur Dieu tout puissant. Nous t'élevons au-dessus de tout, ta donné Dieu de gloire. Toi le sang de sang, Seigneur Dieu de grâce. Toi le sang de sang, nous t'élevons, ta donné Dieu. Tu es saint, Seigneur Dieu de grâce. Et nous les déclarons ce matin. Nous les déclarons, Seigneur. Tu es saint, Seigneur Dieu de grâce. Le lion de la tribu de Juda. Ce matin, oh Dieu, t'élevons, Seigneur Jésus-Christ, l'étoile brillante du matin, la parole vivante, le oui et l'amen, le fidèle. Ce matin, oh Dieu, t'élevons, Seigneur, que les gloires, Père éternel, Dieu. Ce matin, Seigneur, Père éternel, Dieu, puissant Père. Thank you. Est-ce que tu peux continuer à élever les dieux puissants? Parle encore à Dieu un moment. Il a besoin de t'entendre ce matin. Il est le Dieu de compassion. Le Dieu qui nous a aimés avant que nous puissions le connaître. Le Dieu qui est prêt à tout donner pour nous. Le Dieu qui est prêt à tout donner pour vos enfants. Upendo ambao sijaona kwa wengi. Élève ta voix, commence à venir le Seigneur. Élève ta voix. Élève ta voix. Oui, tu pries bien, monte encore. Oh, Dieu veut t'écouter. Monte encore. Alléluia. Oh, il est merveilleux. Oui, il aime écouter la prière de ses enfants. Aujourd'hui, c'est le premier jour du mois de février. Est-ce qu'on peut s'élever toute l'église? Je voudrais que nous puissions prier, consacrer ce mois. Dis Seigneur, je te consacre ce mois. Tout ce que je vais faire dans ma vie cette année. Yo tenta fanya kadiri ya mwezi ya Februari. Tout ce qui va entrer dans ma vie. Yo taitengia maisha ni mwangu. Je viens recommander cela entre temps. Na kuya kuyacha chini ya mikono yako. Au nom de Jésus. Ani mustiku jina la Yesu. Elève ta voix, commence à prier. Inua tena sauti yako kwa kuomba. Inua sauti yako. Consacre ce mois entre les mains de Dieu. Oh hallelujah. Père, je te consacre ce mois. Fais la différence pendant ce mois. Nous voulons te voir agir. Tout ce qui va toucher à nos vies, tout ce qui va toucher à nos maisons, tout ce qui va toucher à l'église, tout ce que nous ferons, Seigneur, ce mois, il est consacré à toi. Naweza kuchapa makofi. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Naweza kuchapa makofi. Oh, c'est merveilleux. Est-ce que tu peux bien célébrer le Seigneur? Naweza kushangilia vizuri kabisa Bwana. tellement de gens qui sont tellement chefs, même pour célébrer le Seigneur, vous ne voulez pas vous mettre debout. Vous savez, ce que je peux faire pour Dieu sans qu'on me pousse, je le fais. Si dans la vie, pour faire quelque chose pour Dieu, on doit te pousser. Il y a un petit problème. Vous savez, quand tu es dans la vie, quand tu es étudiant, ce que tu dois faire comme toi, tu le fais. Quand tu es marié, ce que tu dois faire, tu le fais. Quand tu travailles, ce que tu dois faire, tu le fais. Quand tu es à l'église, ce que nous devons faire pour Dieu, on doit le faire. Non, bien, mais nous devons être... Je cherchais le mot simple, j'allais dire proactif, mais proactif dans l'église. Proactif, voilà. Nous devons être proactif dans un culte. Et c'est très important. Alléluia. Amen. Alors salue celui qui est à côté de toi. Salue-le. Que Dieu te bénisse. Se salue comme ça, c'est merveilleux. Comment on se salue bien à Ibini, qui est ma cabisa. Amen. Amen. Nous pouvons maintenant nous asseoir. Nous avons écrit la sassa. Oui, c'est ça l'église, c'est la famille. Injo kanisa, ni ujama. Ce n'est pas trop des choses compliquées. La vie est déjà très compliquée. Lundi, mardi, on arrive même le dimanche, ces choses deviennent compliquées. Trop de protocoles. Pardon. Nous avons beaucoup de protocoles en protocole de faire mujuma. Le culte nous voulons être libre dans la présence de Dieu. C'est un jour spécial et je suis vraiment dans la joie. Je vais d'abord recevoir un homme de Dieu. Je vais recevoir d'autres hommes de Dieu après. Le pasteur Emma Mwamba. Est-ce qu'on peut le recevoir? Je bénis le Seigneur pour cet homme de Dieu. C'est ma famille. Hein? C'est ma famille. Voilà. Depuis papa, maman, c'est la famille. Je suis toujours dans la joie quand je le vois. Et je bénis le Seigneur pour le travail qu'il est en train de faire, un travail extraordinaire. Et je l'encourage toujours. Lui et son épouse. Nous les aimons beaucoup. Nous étions nos programmes là de Kinshasa. Je devais parrainer le mariage, mais je me suis retrouvé à Kinshasa. Bon. Nous sommes toujours parrains. Tuko paka wasimamizi ya ndoa hiyo. Alléluia. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour ça. Tunabariki Bwana kwa ajili ya hiyo. Et aujourd'hui il est là au milieu de nous. Na leo tena katikati yetu. Il a un concert cet après-midi. Atakuwa na concert atafanya magharibi ya leo. À l'église Pâturage. Lokanisa ya Pâturage. À partir de 14h30. On dit ça à 14h30. Soyons là pour encourager. Tu es pas là, Dieu va t'y aller. Chaque fois que nous avons des activités ici, il est toujours là. Kila wakati kuna kazi huku, yeye anafikaka kila wakati. Alléluia. Amen. Chaque fois que nous avons des activités, il est toujours là. Tukikuya tu na kazi ku kanisa huku anakujaka. Il est présent. Yako tayari. Pour moi, ça me touche beaucoup. Kwangu ikinigusa kabisa moyoni. Et chaque fois que j'ai un peu de temps, je peux parler avec maman. Na kila wakati nakuwa tuna muda naongea pamoja na mama. Et c'est merveilleux. Na ni kitu kiema kabisa. Alors, je vais lui laisser 10 minutes, c'est bon? C'est bon. OK. Il va nous aider Nous allons adorer ensemble le Seigneur avec lui. Il m'a dit quelque chose d'extraordinaire. Karibu déjà, pasteur. Karibia, karibia, mchungaji, karibia. Avec toute l'équipe qui accompagne le pasteur. Kikundi mzima yote mkaribie. Est-ce qu'on peut les recevoir? Tunaweza kuwapokea vizuri kabisa. Venez, venez, venez tous. Karibieni, karibieni, karibieni. Wow, que c'est merveilleux. Karibieni kumbele. Il m'a dit qu'il est temps d'établir une bonne adoration dans l'église. Aliambia wakati ya kuweka maabudu mzuri kabisa ndani ya kanisa. Et ce sera un bon moment cet après-midi. Na itakuwa tena wakati mzuri kabisa mangaribi ya leo. Si vous pouvez monter, monter. Kama ni kupanda huko yule mimbara tu mpande. Soyez libre, pasteur. Alléluia. Amen. Est-ce que nous pouvons encore acclamer très fort pour le Seigneur? Alors rapidement, comme le pasteur Désiré venait de le dire, nous sommes en train de préparer un grand travail et bien sûr c'est aujourd'hui à 14h30 à l'église missionnaire Le Pâturage. Le Seigneur nous a inspiré de revenir à nos vieux cantiques comme on a l'habitude de le dire. Vous savez, présentement et dans les temps dans lesquels nous sommes en train de traverser, il y a pratiquement un feu étranger qui s'est introduit partout. Que ce soit dans le message, que ce soit dans les cantiques, nous remarquons que Mimbo ya pasasa a inatena na sens, s'il faut dire, pour adorer le Seigneur, pour élever le Seigneur. Les gens présentement sont en train de composer juste les chants pour leur ventre, pour avoir l'argent. Juste on fabrique une petite mélodie et puis on l'annonce pour des vues. Mais le Seigneur nous veut à la restauration de l'autel de l'adoration. Amen, amen. Nous voulons revenir à ce qui est essentiel. Nous voulons revenir à l'adoration authentique. Et si vous allez remarquer ensemble avec moi, Imami Mboyetu ya Kitabu, pourquoi Aya Potesha, saveur yayo, onction yayo? Par rapport à Imami Mboyetu, c'est à peine une année, il a disparaître, à peine deux mois, il a disparaître. Mais quand vous chantez les cantiques, bien sûr, ces cantiques ont été composés en 1800, en 1900, des années, des siècles passés. Mais quand vous chantez, vous sentez qu'il y a la même onction là-dedans. Et c'est à ça que le Seigneur est en train de nous rappeler. Et il nous invite à revenir à ce qui est authentique. Amen. C'est vrai que nous sommes des compositeurs, nous sommes des chanteurs. Nous-mêmes, nous sommes défiés par cela. Alors que le Seigneur nous aide, je crois qu'après cet événement, le Seigneur va nous amener dans une autre dimension concernant l'adoration. Amen. Alors ensemble avec vous, nous allons chanter juste un chant, le numéro 33, dans le Nimbo Zamungu, Musalaba Wako Bwana. Amen. Ooh. Anga ma loi pa moi kenne Yesu ni ta zami chemu sala bawa ko ni siku saha uwewe na mauti ya ko musalaba oh ya ko wana nita raja ya Baba, atani taka pokwe lagu pumzika kwa imba musalaba wakona nitaja yari atani Ima musalaba Wananita Raja ya Baba Atanitaka po Wena tu Umzika kwa Ima musalaba Wana nita kapokwena Kumuzika Yesu nilinde uko Nifaanishe Isi ulivyo chukuwaza Biza buzo te musalaba Baba Atanita kapokwe Kumuzika Alléluia Oui, la croix est le lieu de sang Tu es mort pour nous donner la vie Tu es mort pour nous donner la vie Jésus Alléluia Mi tango Jana taraja na ima ni vile Atani takapo kwenda kwako kwa milele Musalaba wako Bwana ni taraja ya Wana atanitaka Mokwenda ku kumzika Imba musalaba Wana nitaraja Yahu Atanitaka Mokwenda Avec nos voix, oh Moussalaba, Alléluia. Merci beaucoup. C'est tellement bon. C'est tellement bon. Vous vous sentez transporté. Alléluia. J'allais même demander à Kunata Yamimboya Pili. Rendez-vous Mangaribi, 14h30. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour eux? Oh, que Dieu soit béni. Amen. Bon, il y a des cantiques, quand vous les écoutez, vous êtes transportés. Ça se chante dans toutes les langues. Alléluia. Amen. Oui, en Kiluba, Kiluba, ça se chante. J'ai été une fois, j'ai tellement exigé en Chine qu'on m'amène dans une église. J'ai entendu des chansons aussi en chinois. Je ne savais, je chantais en Swahili, la mélodie, la même chose, mais je vois les chinois. Tchan, tchan, tchan. Ah non, c'était merveilleux ce jour-là. Alléluia. Amen. J'avais dit que non, dimanche, je dois aller à l'église. Non, ici, chez nous, pour me décourager, c'est 3 heures de route. Je dis non, non. Nous, 3 heures de route, c'est d'un aéroport à l'hôtel. Alors, je peux faire les 3 heures de route sans problème. Et puis, on a béni le Seigneur. Donc, rendez-vous l'après-midi. C'est mieux de remettre l'autel de l'adoration. Je ne dis pas que ceux qui composent maintenant, oui, mais il y a quand même des problèmes. Donc apprenons à adorer le Seigneur, à tourner notre cœur vers le Seigneur. Alléluia. Je vois aussi un chant au milieu de nous. Bien-aimé Elifa, viens. Viens. Vous allez l'accompagner. Il est seul. Il n'a pas son équipe. Viens, prends le micro. Quand même. Est-ce qu'on peut l'acclamer aussi? On peut l'encourager aussi. J'aime beaucoup. J'encourage les jeunes gens. J'encourage mes amis dans la ville. Ils prient à Rama. Il est avec nous. Je l'encourage. Si vous encouragez un enfant de Dieu, nous le faisons. Alléluia. Et voilà. Yes. Nous sommes dans la joie ce matin. Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur? Est-ce que tu peux bien le faire pour la gloire de Dieu? Dans cette même attitude, tu peux te lever. Élève légèrement tes mains. Le Seigneur est tellement là ce matin. Kalola polele atana ye bambale bele na beta kokoko makomi eloba polele azana twa ya koluka nzambe na tongo tena pokwa moya nolie moya nolie Moya nolie Moya nolie Moya nolie Moya nolie Nazo yemela yo Moya Ce matin, ta présence nous change. Ta présence transforme nous. Nous avons pleuré loin de ta présence. Nous avons échoué sans toi. Mais sur ta parole, nous voulons reprendre la marche cette année. Et il y a des domaines de notre vie qui n'ont pas encore produit suffisamment. Mais nous croyons ce matin sur ta parole. Oh, merci Jésus. Yesu asante. Bénis ces instants. Alléluia. Toi, tu es Dieu. Ouais. Toi, tu es Seigneur. Ka wewe ni Bwana. Le ciel et la terre vieilliront. Bingu na ichi bitazeuka. Tu les rouleras comme un manteau. Mais ta parole ne passera jamais. Aita pita kamwe. Toute bonne parole neno lote nzuri. Prononcée sur ton église. Yenye kusemewa kwa ajili yako. Prononcée sur tes enfants. Yenye kusemewa juu ya wako watoto. Auront leur accomplissement. Oh, itaona matimiziko yayo. Oh, c'est pourquoi ce matin. Ndio maana tena asubuhi ya leo. Ouvre nos cœurs. C'est le cœur qui reçoit la parole. C'est du cœur que vient la vie. Dispose nos cœurs. C'est pourquoi ce matin, que toute pensée soit captive à l'obéissance de Jésus. Nous soumettons toutes choses. Et nous couronnons Jésus-Christ comme roi. Et Seigneur dans cette salle. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Que Dieu vous bénisse. Ce matin, nous avons un travail que nous allons faire. Mais avant de passer à ce travail, nous voulons écouter la parole de Dieu. Je vais les présenter tous après, je pense c'est mieux. Pour le moment, je présente l'orateur de ce matin. C'est le frère Joy. Il va nous parler ce matin. Alors je vais lui demander de se lever. Est-ce que nous pouvons l'accueillir dans la joie? Gloire au Seigneur. Amen. Pendant qu'il s'avance, nous l'encourageons et nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Est-ce que tu peux encore acclamer? Est-ce que tu peux encore acclamer pour le Seigneur? Tu n'acclames pas bien. Vous savez, l'acclamation est aussi une forme d'adoration. Pendant que tu acclames pour le Seigneur, il y a des murailles qui sont en train de tomber. Pendant que tu acclames pour le Seigneur, Dieu est en train de suspendre. Pendant que tu acclames pour le Seigneur, Dieu est en train de suspendre les tempêtes qui s'élevaient contre ta vie. Je suis en train de voir des tempêtes être suspendues. Celui qui ne saisit pas sa parole. Amen. Est-ce que tu peux rester debout? On va lire rapidement pendant que vous êtes debout. Un seul verset, Daniel 11, 32. On peut le poser Daniel 11, 32. B. Ok. On va lire la partie B seulement, à haute voix tous ensemble. Mais ceux-là, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu, agiront avec fermeté. Encore une fois, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu, agiront avec fermeté. Une dernière fois, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu, agiront avec fermeté. Est-ce que tu peux acclamer pour la parole de Dieu? Je commencerai par dire merci au Seigneur qui nous a gardés et nous a permis de nous tenir devant vous ce matin. Merci à papa pour la confiance. Merci au collège des serviteurs, des anciens et des diacres. Merci aux merveilleux orateurs qui nous ont précédés. Qui nous ont fortement bénis. Nous n'étions pas là, mais nous avons pris le temps de suivre quand même leur travail et que Dieu vous bénisse. Merci à toi-même pour ta présence ici. Merci à toi-même pour ta présence ici. Accenti kwa kopia kwa jila wepo wako hapa. Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même? Eti unaweza kushangilia kwa jila wewe mwenyewe. OK. Notre sous-thème de ce matin pour ceux qui écrivent, ki sina kitu kia asubuhi ya leo, c'est connaître Dieu, ni kumjua Mungu. Deux points. La révélation qui transforme le croyant en acteur de l'histoire. Ufunuo inabadilisha wa Kristo kwa ajili ya kuwa kwenye filmu. Connaître Dieu, kumjua Mungu, la révélation qui transforme les croyants en acteurs de l'histoire. Ufunuo inabadilisha wa Kristo kwa kuwa benye hadisi. Il est possible de parler de Dieu sans le connaître. Inawezekana kumzungumzia Mungu pasipo kumjua. Il est possible de servir Dieu sans le connaître vraiment. Inawezekana kumtumikia Mungu pasipo kumjua. Il est possible de prêcher Dieu sans le connaître. Inawezekana kuhubiri pasipo kumjua Mungu. Alors le Saint-Esprit nous a inspiré quelques vérités. Na Roho Mtakatifu alitukabilia kwa ukweli moyo pour nous permettre de comprendre vraiment le thème. Ili ituruhusu tupate kushika vizuri kisina. La première vérité. Na ukweli wa kwanza. La connaissance de Dieu est relationnelle et transformante. Ufahamu wa Mungu inakuwa ni wa mahusiano na wa kugeuza. Elle est relationnelle et transformante. Inakuwa ya mahusiano na ya kugeuza, kubadilika. Premièrement, ya kwanza, connaître Dieu. Kumjua Mungu est différent de savoir des choses sur Dieu. Inachanisha na kujua vitu kwa Mungu. Est-ce qu'on peut nous mettre Jean 17 verset 3? Banaweza kutuwekea Yohana sura ya 17 mstari wa 3. Or, la vie éternelle est ce qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé en Jésus-Christ. Celui que tu as envoyé Jésus-Christ. Amen. Amen. Jésus ne définit pas la vie éternelle comme une durée infinie après la mort. Il ne la définit pas comme une récompense future. Ni un simple salut juridique. Il dit clairement, anasema ukweli, la vie éternelle, maisha kikristo, ce qu'ils te connaissent, wale wakujue. Le verbe utilisé ici tire son essence du mot grec, kinosko, connaître par expérience, kujua kupitia kutambua na kujua par relation avec Dieu, kujua kupitia mahusiano na Mungu, connaître par relation vécue, kujua kupitia kwa vitu ambavyo tunaweza kuishi. Donc connaître comme on connaît quelqu'un qu'on fréquente. Amen. Kujua kama tunajua mtu ambaye tunazungumza naye kila siku. Donc qu'est-ce que cela veut dire? Nini ambayo inamaanisha? La vie éternelle commence maintenant. Maisha kikristo inaanza sasa. Au moment où une relation est établie avec Dieu. Pale mahusiano inawekewa pamoja na Mungu. Ce n'est pas un concept. Aina tutungo ce n'est pas un slogan. Aina msemo c'est maflani. Une communion avec Dieu. Inakuwa tu ni ushirika pamoja na Mungu. C'est une communion avec Dieu. Inakuwa ni ushirika pamoja na Mungu. Deuxièmement, ya pili, la connaissance de Dieu qui transforme l'être. Ufahamu wa Mungu inabadilisha mtu. Elle ne transforme pas seulement la pensée. Aibadilisha tu wazo. Dans Philippiens 3, 8 à 10, moi, Philippe, Paul va encore plus loin en disant, Paolo, anaenda mbali zaidi na kusema, afin de connaître Christ ili tupate kumjua et la Christo, puissance de sa résurrection. Na uwezo wa ufufuko wake. Bien aimé, Paul connaissait la loi. Upendo Paulo alijua sheria. Paul connaissait les écritures. Paulo alijua maandiko. Paul connaissait la théologie. Paulo alijua tabati. Mais il considère tout cela comme une perte. Na alianza kushika yote na kama kupoteza wakati. Connaître Christ. Ya kulinganisha na kumjua Kristo. Pourquoi? Jua nini? Parce que cette connaissance communique une puissance. Kwa sababu fahamu kunaonesha kwa sababu. Cette connaissance transforme l'identité du croyant. Hiyo fahamu kunabadilisha utambulisho wa mkristo. Passer de la mort spirituelle. Inaweza kupita ku Kristo wa kiroho. À une vie active en Dieu. Atakuwa maisha uzima na Kristo. Je pensais que tu allais dire amen. Nilifikiria kusema utasema amina. La connaissance de Dieu est performative. Ufahamu wa Mungu unakuwa ni wa nguvu. Elle produit quelque chose en toi. Iko na saa kitu kimoja ndani yako. Tu ne restes jamais la même personne avant aubaki mtu moja moja mbele après avoir connu Dieu na kisha kumjua Mungu. Dieu se laisse connaître pour être la vraie source de la gloire. Mungu anajiacha kujulikana ili akuwe chemchemu ya kweli ya utukufu. Jérémie 9 23 à 24. Yeremia sura ya 9 mstari wa 24. Dieu corrige le faux sujet de fierté. Mungu apeko naweka usawa tamakam comme affaire. La Bible dit, Biblia nasema, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse. Watu wenye hekima usipate kujitilia nguvu kwa hekima zao. Que le fort ne se glorifie pas de sa force. Wa nguvu wasijiweke hodari kwa nguvu yao. Que le riche ne se glorifie pas de sa richesse. Watajiri nao wasijiweke hodari kwa utajiri wao. Puis il recentre tout. Na anaweza kuweka yote fasi moja. La Bible dit ceci. Biblia nasema hivi. Mais que celui qui se glorifie. Ata ule ataweza kujitukuza. Se glorifie d'avoir de l'intelligence. Ajitukuze kwa kuwa tuna akili. Et de connaître Dieu. Na kwa kumjua Mungu. Que celui qui se glorifie d'avoir de l'intelligence et de connaître Dieu. Ula tajitukuza, ajitukuza kwa na akili na kumjua Mungu. Dieu révèle une vérité clé. Hapa Mungu anaonesha ukweli mmoja. La vraie valeur d'un être humain. Bei ya mtu ne vient pas de ce qu'il possède. Aitoke kwa bintu ambaye anashika. Mais de qui il connaît. Lakini kwa ule ambaye anajua. Nous le remarquons dans la vie de tous les jours. Tu connais yon maisha ta siku zote. Il y a certaines situations. Kuna ma ai lingine. Tu peux être compétent. Unaweza kuwa mwenye ufahamu. Fois mille. Mwenye kuwa na fahamu mingi kabisa. Mais il y a des milieux où quand tu arrives. Lakini kuna mafasi wakati unafika. Si tu ne connais personne qui va te faire entrer. Kama ujue mtu ambaye ataweza kuingiza. Ta connaissance ne vaut rien. Ufahamu wako hauna na bei. Je viens te dire ce matin. Na kwa kuambia asubuhi. Toi tu connais Dieu. Kama unamjua Mungu. Toi tu es à la source. Kama vile unakuwa uchamchana usawa. Je t'annonce. Na kutangazia. Ta connaissance de Dieu. Ufahamu wa Mungu. Tu vois les portes qui te bloquaient pendant des années. Iko nafungula milango ikufunga miaka mingi. Je t'annonce que la connaissance de Dieu. Na kutangazia ufahamu wa Mungu. Ouvre les portes qui te bloquaient pendant des années. Ikufungulia milango ikufunga miaka mingi. Connaître Dieu devient alors. Kumjua Mungu inakuwa sasa. Une position spirituelle. Face moi à Christ. Connaître Dieu devient un statut. Kumjua Mungu inakuwa tu ni picha. Désormais quand tu marches, quand tu connais Dieu. Mupendo tokea hapo kama wakati unatembea na mtu. Tu n'as peur de personne en route. Hauna tena na boka wa mtu mchia. Tu n'as pas peur des sorciers, tu n'as pas peur de la sorcellerie. Hauna na boka balozi, hauna na boka uchawi. Parce que tu connais celui qui est au-dessus de toi. Kwa sababu unajua kwa yule anakuwa yule yote. Connaître Dieu alors. Kumjua Mungu pale devient une identité. Inakuwa ni kitambulisho. Et une source de dignité na chemchemu ya bei yetu ya Kikristo. Je viens annoncer à quelqu'un. Na kutangazia kwa mtu mmoja. Parce que tu connais Dieu. Ça s'affile au nom de Dieu. Tu deviens un dignitaire du ciel. On a quoi comme chimie au monde? L'État a des dignitaires d'État. On a quoi comme chimie au monde? Moi, je t'annonce que tu es dignitaire du ciel. Écoute, on a quoi comme chimie au monde? Amen. La révélation de Dieu ne change pas seulement ton avenir. Ufunuo wa Mungu abadilisha ujio wako tu. Enrichit ta position dans le présent. Na iko na weka fasi yako hata mwe tunaishi. Qu'est-ce que cela signifie? Nini inamaanisha hii? Dieu ne te révèle pas les choses uniquement pour plus tard. Mungu asionyeshe vitu tu kisha kwa wakati fulani. Il te révèle qui tu es maintenant en lui. Eko na kuonesha kile unakuwa ndani yake. Quand Dieu se révèle, wakati Mungu anajionyesha, tu n'es pas seulement informé. Hauna tu wenye kuwa na ujumbe. Tu ne deviens pas seulement informé. Hauna tu mtu ambaye analetea ujumbe. Tu es repositionné. Lakini banakuweka fasi nzuri. Tu es repositionné. Banakuweka fasi nzuri. Elle agit ici. Elle connaît tenda hapa. De manière, dans ta manière de penser, dans ta manière de parler, dans ta manière de te tenir devant les autres, dans ta manière de résister au péché, et dans ta manière d'espérer. Il y a certains problèmes que nous voyons avec les croyants. Quand ils commencent à paniquer, on constate qu'ils ne connaissent pas vraiment Dieu. Peu importe la difficulté de ta situation, la connaissance de Dieu te stabilise dans les. Tu ne poursuis pas Dieu pour aller quelque part. Tu le connais et cela te place quelque part. Dis à ton voisin, parce que je connais Dieu, cela me place quelque part. Amen. Amen. La deuxième vérité. Na ukweli wa pili. L'ignorance spirituelle exclut de l'histoire. Je savais que vous n'alliez pas dire amen. Amen. Osée 4:6. Le premier sous-point de cette vérité, c'est que l'ignorance spirituelle n'est pas neutre. Elle détruit. Oui, l'ignorance détruit. La Bible dit dans Osée que mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Le mot ici de connaissance est da'at. Ce qui signifie une connaissance relationnelle. Une connaissance issue d'une alliance. Une connaissance qui engage la vie et l'obéissance. Ce n'est pas un manque d'information. C'est une rupture de relation. Je ne dis pas mon peuple est puni. Je ne dis pas mon peuple est faible. Ici, mon peuple est détruit. Donc l'ignorance spirituelle produit la désintégration progressive. L'ignorance spirituelle produit la désincrétation positive. Comment ça se passe? Ça commence par la perte d'identité. La perte des repères. La perte des directions. Et pour finir, la perte d'autorité. Je t'informe que si les sorciers de ta famille ont eu à dire des choses sur toi, c'est parce que tu as perdu l'autorité que tu avais dans ta relation avec Dieu. Chose grave. Il reste le peuple de Dieu, mais ils vivent comme s'ils n'étaient plus. Une génération sans connaissance disparaît du récit de Dieu. Juste 10 nous dit ceci. Il s'élèvera une autre génération qui ne connaissait pas l'Éternel. Je vous suggère de lire tout le chapitre. Alors, qu'est-ce que la Bible nous dit? Cette génération-là avait l'héritage. Cette génération avait la terre promise. Cette génération avait les récits des miracles. Mais cette génération n'avait pas la connaissance du Dieu vivant. C'était quoi le résultat? Dieu continue l'histoire. Mais sans eux comme acteurs principaux. Il est possible que Dieu continue ton histoire sans toi. Par le manque de connaissances. Amen. Ils vivent dans le pays, mais hors du dessein. Et c'est quoi le résultat spirituel de ça? Quand la connaissance disparaît, les gens deviennent spectateurs. Ils subissent les cycles. Ils réagissent au lieu d'initier. Ils vivent dans la peur au lieu de ceux qui auraient dû dominer. L'ignorance ne supprime pas la crise. Elle supprime la manière de la résoudre convenablement. L'ignorance supprime ta capacité de faire face aux situations compliquées de ta vie. L'ignorance supprime ta capacité de traiter avec les tempêtes qui se lèvent contre ta vie. J'arrive. La connaissance de Dieu détermine la lecture de la crise. La connaissance de Dieu détermine la lecture de la crise. On va prendre une histoire que nous connaissons très bien dans la Bible. 1 Samuel 17, verset 26. Samuel sura 17, mustaro 26. La Bible dit, c'est l'histoire de David et Goliath. Tous voient Goliath. Tous voient Goliath. What are we gonna mourn Goliath? Tous décrivent sa taille. What are we gonna own Nisha Ulefouak? Son armure. Sila yake. Et sa voix. Na sauti yake. Ce que j'aime, c'est que David est le seul à poser la bonne question. Kile mina penda Daoud yana kwa mumoji wa kuleta swali nzuri. Qui est ce Philistin? Ni nani ou Philistin? Pour insulter les armées du Dieu vivant. Il y a pate kuchambula jesi ya Mungu mzima. Écoutez ceci. Si qui en est David ne nie pas le géant. Daoud assez au gope ou mlefu. Non, non, non. Asikatale ou lefu ake. Oui. David ne nie pas le géant. Daoud asikatale ou lefu ake. Il le recontextualise. Anaï semezea tout. Non, il le remet, il place sa façon d'être géant dans une autre situation. Anaonesha ali ou lefu ake mujambo ingine. Au fait, ce que David fait, kile Daoud anafanya, Goliath aurait pu être extrêmement grand. Goliath, mais David savait que son Dieu était plus grand que le Goliath qui menaçait la terre. Daoud, le problème que nous avons, c'est que très souvent nous ne savons pas contextualiser les situations qui nous arrivent. Nous faisons face au problème au lieu de le recontextualiser en Christ. David ne définit pas la crise par sa grandeur. David ne définit pas la crise par la menace. Par l'identité du Dieu impliqué dans la situation. Je viens dire à quelqu'un que peu importe les batailles ce matin, je veux que tu te rappelles du Dieu que tu sais et du Dieu de la source. Il n'y a aucun problème qui sera plus grand que ton Dieu. Aucune maladie ne sera plus grande que ton Dieu. Aucune situation ne sera plus grande que ton Dieu. Contextualise désormais. Si à ton voisin, il faut recontextualiser. Voisin, il faut recontextualiser. Il y a une différence fondamentale dans cette histoire. Les soldats disaient, regarde la taille du problème. David dit, regarde qui est insulté. Les soldats disent, regarde la taille du problème. David dit, regarde qui est insulté. Là où les autres analysent l'obstacle, David discerne l'enjeu spirituel. La connaissance de Dieu change la manière dont tu interprètes les crises. Ça signifie que deux personnes peuvent vivre la même situation mais produire deux réponses radicalement opposées. Pourquoi? Parce que l'une interprète par la peur. L'autre interprète par la révélation. Je prie que Dieu commence à se révéler à toi. Que Dieu te révèle les situations compliquées de ta vie. La crise ne révèle pas d'abord le problème, papa. Elle révèle le niveau de connaissance de Dieu. Elle révèle le niveau de notre connaissance en Dieu. Je croyais que ceux qui connaissaient Dieu devaient dire Amen. Écoutez. Ce n'est pas ce que tu affrontes qui te définit. Mais c'est la manière dont tu te comportes devant Dieu. La manière dont tu comprends Dieu qui te définit. Troisième vérité. Ceux qui connaissent Dieu agissent avec fermeté. C'est notre texte. Premièrement, kia kwanza, la fermeté biblique. Odari ya kibiblia n'est pas psychologique. Aina tu ya psychologique. Elle est spirituelle. Inakuwa ya kikristo. Josué 1:9. Yoshua sura kia kwanza mstari wa kenda. On a beaucoup de lectures, on est en train de courir derrière le temps. La Bible dit, fortifie-toi et prends courage. Car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi. Le verbe hébreu qui est utilisé ici, je l'aime beaucoup. Pour fortifie-toi. Et Shazak. Qu'est-ce qui signifie? Inamaanisha nini? Devenir fort par appui. Kukua wa nguvu kupitia kumsingi mwa fulani. Être rendu solide par une source extérieure. Mwenye kuwekewa wa nguvu kupitia kwa chemchemu mwa ya nje. Tenir ferme parce qu'on est soutenu. Kubakia pale kwa sababu unatiliwa nguvu. Dieu ne dit pas à Josué. Mungu achisemi na Yoshua. Sois fort par toi-même. Kuwa mwenye nguvu kupitia mwenyewe. Il dit sois ferme parce que je suis avec toi. Anasema kuwa mwenye hodari kwa sababu niko pamoja nawe. La fermeté biblique n'est pas une autoproduction. Odari ya kibiblia aina tu kuzidisha. Tu n'es pas ferme par toi-même. Aisemeze kwa wewe mwenyewe. La fermeté biblique ne t'implique pas toi. Kudari ya kibiblia ilekee na wewe. La fermeté dans la Bible parle. Lakini odari ya biblia inasemezea. Est relationnelle. Inakuwa ni ya uhusiano. Elle dépend de qui tu es lié. Inaambatana na huyo unakuwa naye. Tu es lié. Kwa nani unaochungwa? La connaissance de Dieu ufahamu wa Mungu neutralise la peur. Iko na shika boka. Dans Psaume 27, la Bible nous dit Musaburi 2007, l'Éternel est ma lumière et mon salut. Anakuwa nuru yangu na wokovu yangu. De qui aurais-je crainte? Kwa nani mimi nitakuwa na boka? David ne commence pas par nier Daudi le danger. Kunesha. David ne commence pas par nier le danger. Daudi asikatale mambo. Il ne commence pas par se convaincre mentalement. Lakini anaditilia nguvu na kujihakikishia kwa akili yake. Il commence par déclarer qui est Dieu pour lui. Anaanza kutangaza nani Mungu kwa ajili yake. Il commence par déclarer qui est Dieu pour lui. Eko natangaza nani Mungu kwa ajili yake. Il y a trois identités que David a proclamées là-bas. Unakuwa na identity tatu ile Daudi aliweza kuonesha hapa. Lumière, inakuwa nuru. Salut, inakuwa wokovu. Rempart, inakuwa na rempart. Dis à ton voisin aussi lumière. C'est ma nature dans encore lumière. Salut. Salut. Rempart. Rempart. Lumière pourquoi? Chouani ni nuru. Ce qui dissipe la confusion. Il a ikonagwe katumufurugo. Salut. Okov. Ce qui délivre concrètement. Il est konafunua kwa ukweli. Parce que quand Dieu délivre, wakati Mungu anafunua, tu n'es plus combattu. Aupigwa tu n'es vita. Plus attaqué. Tu n'es plus lié. Tu es tena. Délivré concrètement. Bana kufungula kwa ukweli. Rempart. Rempart. Ce qui protège durablement. Il est konakinga kwa ukweli. Amen. Amina. La peur n'est pas chassée par l'optimiste. Boka bufukuziwa tu kwa ile unasema. Mais la peur est chassée par la révélation claire de l'identité de Dieu. La peur est chassée par la révélation claire de l'identité de Dieu. La fermeté produit des actes impossibles humainement. Pour ceux qui écrivent Hébreux 11:33-34, la Bible dit qu'ils fermèrent la gueule des lions et éteignirent la puissance du feu. Qui est possible de le faire humainement parlant? Personne. Au fait, ces personnes n'étaient pas invincibles. Ces personnes n'étaient pas au-dessus de la souffrance. Ces personnes n'étaient pas sans peur. Mais elles avaient une connaissance active de Dieu. La foi biblique n'est pas passive. Imana kibiblia aina tu la foi biblique agit. Imana kibiblia iko natenda. Et cette action produit des victoires contre les forces supérieures. Na ile tende kuna sama aussi nous sama nguvu. Dans la situation irréversible. Na kwenda mu mambo ya nguvu kabisa. Ce qui défie la logique naturelle. Na matendo ambayo inapitia tu mambo ya kweli. Donne-moi un rapport médical qu'on t'a donné dans la vie. Je te présente devant le Dieu qui peut changer cette situation. Donne-moi toutes les situations contradictoires qu'on t'a données dans ta vie. Moi, je te présente le Dieu qui change les situations irréversibles en situations possibles. Ce que j'aime avec ce Dieu, c'est que impossible n'est pas dans son vocabulaire. Impossible n'est pas dans son vocabulaire. Compliqué n'est pas dans son vocabulaire. Irréversible n'est pas dans son vocabulaire. Amen. La fermeté Shazak n'est pas un tempérament. Elle n'est pas une assurance naturelle. Elle est une personnalité forte. C'est une stabilité intérieure née de la révélation. Je veux que tu dises à ton voisin, tu ne peux pas être ferme si tu n'es pas révélé. Tu ne peux pas être ferme si tu n'es pas révélé. La fermeté n'est pas un caractère. La fermeté est un fruit de la révélation. La fermeté est un fruit de la révélation. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tu ne deviens pas ferme parce que tu es courageux. Jamais. Tu deviens ferme parce que tu sais qui marche avec toi. Dans les choses de Dieu, le courage ne veut rien dire. Je suis très sûr qu'avec David, il y avait des soldats courageux. Il y avait des gens courageux. Mais ces gens-là n'avaient pas la révélation de qui marchait avec eux. Amen. Plus ta révélation de Dieu est claire, plus ton action devient audacieuse et précise. La révélation de Dieu précède toujours la manifestation. Amen. La révélation de Dieu précède toujours la manifestation. Je viens dire à quelqu'un, le Dieu que tu connais est égal au Dieu qui se révèle à toi. Ta percée dans le monde est le fruit de ta connaissance de Dieu. Si pour toi Dieu est celui qui te donne les arachides, qui va te donner les arachides? Si pour toi Dieu peut te sortir du fumier et te mettre à la présidence, Dieu va te sortir du fumier et te mettre à la présidence. Si pour toi Dieu peut prendre ton CV et te faire engager en Allemagne là où personne ne te connaît, Dieu va le faire. Si pour toi Dieu peut te prendre ici à l'Ikasi et faire de toi un ministre à Kinshasa sans pour autant être dans la politique, Dieu va le faire. Je vois une grâce d'élévation maintenant. Pourquoi? Parce que leur confiance ne repose pas sur eux, mais sur la présence révélée de Dieu. On ne reconnaît pas ceux qui connaissent Dieu à leur discours, mais à leur stabilité quand tout tremble. On ne reconnaît pas ceux qui connaissent Dieu à leur discours, mais à leur stabilité quand tout tremble. Quatrième vérité. Quatrième vérité. La révélation de Dieu fait passer le croyant à acteur. La révélation de Dieu fait passer de croyant à acteur. Premièrement, c'est que la révélation de Dieu laisse des traces visibles. Acts 4:13. Ce qui m'intéresse, c'est que il y a une phrase que la Bible ajoute dans ce verset. La Bible dit il reconnut qu'ils avaient été avec Jésus. Le texte parle de Pierre et Jean. La Bible dit qu'ils étaient sans instruction formelle. sans titre, sans rien. C'était des hommes du peuple. Pourtant, leur assurance dérangeait. La conclusion des autorités n'était pas ils sont intelligents. Ils sont éloquents. Mais ils étaient avec Jésus. Certains combats que tu vis ne sont pas liés au fait que tu fasses bien ton travail. Elles ne sont pas liées à d'où tu viens. Elles ne sont pas liées à ton nom de famille. Mais elles sont liées au fait que tu aies accepté Jésus. Elles sont liées au fait que tu connaisses Jésus. Parce qu'il y a certains problèmes que nous vivons. Tu te poses la question, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout contre moi? C'est parce que tu es avec Jésus. La révélation authentique se voit. Elle imprime une marque. Dans ta posture, dans ta parole, et dans ton autorité. Écoutez, on peut contester un diplôme. Oui, on peut contester un diplôme. Mais on ne conteste pas une présence transmise. On ne conteste pas une présence transmise. Dieu bâtit uniquement sur la révélation. Jamais sur l'opinion. Amen. Amina. Dieu ne bâtit jamais sur l'opinion. Je viens te donner une bonne nouvelle. Peu importe les opinions que les gens ont de toi. Parce que Dieu n'est le grand-père de personne. Je déclare que tu réussiras et que tu vas aller loin. Je ne sais pas c'est pour qui. Matthieu 16 à 18. La Bible dit: tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Sur cette révélation, je bâtirai mon église. Est-ce que les gens se retrouvent avec ce texte? On peut nous aider? La Bible dit, Simon répondit, Simon, tu es Christ, le Fils du Dieu vivant. La réponse de Jésus, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Amen. Amen. Pierre ne répète pas un enseignement. Petre, tout ma, ma, il reçoit une révélation. Et Jésus la confirme. Na yes, on a itimisa. Écoutez, l'église n'est pas fondée sur la majorité. Kanisa iweke kwa wingi. L'église n'est pas fondée sur une stratégie. Kanisa iweke l'église kuma stratégie. N'est pas fondée sur la tradition. Kanisa ichenge elle est bâtie sur la révélation la du Dieu vivant. Là où il y a une révélation, pale pala kwa funu. L'église devient une structure. Là où il n'y a pas de révélation, pale pala funu. L'église devient une structure sans puissance. L'esprit transforme la faiblesse en impact de l'histoire. Zacharie 4:6. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit. En fait, Dieu établit ici un principe universel. Les moyens humains sont limités. Les moyens humains ont une limite. Mais l'Esprit de Dieu introduit dans une dynamique surnaturelle. La révélation active l'Esprit. Et l'Esprit fait entrer le croyant dans l'action efficace. On ne fait pas avancer le royaume par effort, mais par alignement spirituel. On ne fait pas avancer le royaume par effort, mais par alignement spirituel. L'histoire n'est pas écrite par les plus nombreux, mais par les plus révélés. Lakini kwa wale wanakuwa na ufunuo. Lisez bien votre Bible. Someni vizuri Biblia yenu. Dieu n'a jamais travaillé avec le nombre. Mungu asiyatumikaka na hesabu. Dieu n'a jamais travaillé avec les foules. Mungu asiyatumikaka na kikosi. Dieu a travaillé avec les plus révélés. Mungu anatumikaka na wale wanakuwa na ufunuo. Amen. Amina. Qu'est-ce que ça signifie? Inamaanisha nini? Dieu ne cherche pas une foule impressionnante. Mungu asitafutake kikosi. Dieu ne cherche pas des hommes et des femmes éclairés. Asitafutake wanaume na wanawake. Il cherche des hommes et des femmes éclairés. Anatafuta wanawake na wanaume wale wanatiliwa huru. Des femmes et des hommes éclairés. Wale wanakuwa na nuru. Une seule personne révélée. Mutu mmoja tu anakuwa na ufunuo. Renverse une saison. Anaweza kuangusha ko. Une seule personne révélée. Mutu mmoja mko na ufunuo. Déclenche un mouvement. Anaweza kuanzisha kwa mambo. Une seule personne révélée. Mutu mmoja mko na ufunuo. Ouvre une génération. Anaweza kulamusha kizazi. Je crois au Dieu de la Bible. Na amini kwa Mungu wa Biblia. Je crois au Dieu du réveil. Na amini kwa Mungu wa uamsho. Je crois que le Dieu qui est allé à Azusa Street aux États-Unis. Na amini kwa Mungu anaweza kule kusoma tena kwa Tanzania. Et le Dieu peut agir encore maintenant. Anakuwa ni Mungu anaweza kutenda leo. Je ne travaille pas avec les foules. Mungu asitumikake na taifa. Les personnes révélées. Anatumika kana watu wenye kuna ufunuo. La révélation transforme. Ufunuo iko na badilisha. Un passif en acteur. Kwa mtu asipo kitu anakuwa mwenye film. Un témoin en bâtisseur. Mtu mwenye kuwa na shuhuda anakuwa mtu wa kujenga. Appelé à envoyer. Na bana batuma kwa wale wako na kwenda. Il est possible d'être appelé. Inawezekana kuwa mtu aliyokuita. Et de ne pas être envoyé. Lakini sikuwa mtu ule batatuma. Amen. Amina. On peut être tous appelés. Mais ce n'est pas tout le monde qui est envoyé. Crois à sa révélation rend spectateur. Et la révélation fait entrer dans l'histoire de Dieu. Et l'esprit prend le relais là où la chair échoue. Je viens annoncer à quelqu'un ce matin. Ce n'est pas la taille de ton groupe qui compte. Aina ulefu wa kikosi chako inahesabiwa. C'est la clarté de ta révélation. Lakini ni uwazi tu ya ufunuo. Ce n'est pas la taille de ton CV qui compte. Aina ukubwa wa CV yako inahesabiwa. Mais c'est la clarté de ta révélation. Lakini ni uwazi tu ya ufunuo. Ce n'est pas la taille de ton problème qui compte. Aina unene wa ufunuo. Mais c'est la clarté de ta révélation. Lakini ni uwazi tu ya ufunuo. Ce n'est pas la taille de ta situation qui compte. Aina unene wa hali yako inahesabiwa. C'est la clarté de ta révélation. Lakini ni uwazi tu ya ufunuo. Le problème que tu traverses. Ingawa mambo yako inahesabiwa. C'est la clarté de ta révélation qui compte. Ni ufunuo wako tu ya inahesabiwa. Des gens qui te aina mambo yale bado tunapitia. Lakini ni uwazi tu ya ufunuo wa Mungu. Aina mambo kinaelekewa. Lakini ni uwazi tu ya ufunuo wa Mungu. Amina. Okay. On va faire quelque chose. Tutafanya kitu kimoja. Je veux te parler de la connaissance de Dieu dans toute la Bible. Nitakusungumzia ufahamu wa Mungu na Biblia yote mzima. Amen et que tu t'attaches à tu t'attaches. Wakati unasema amina na unambatana. Pendant que tu dis amen. Wakati unasema amina. Je vois le Saint-Esprit attacher cette grâce à ta propre. Naona Roho Mtakatifu anambatanisha ile neema kwa maisha. Pendant que tu dis amen à ces mots. Wakati unasema amina kwa hii matendo. Le Dieu que je sais. Mungu ambaye niko natumikia. Attache cette grâce à ta vie. Ambatanisha ile neema kwa maisha. Je cherche des gens qui sont sensibles. Na choko watu wanakuwa katika. Alors que vous êtes en train de dire amen. Na vile mtaanza kusema amina. Je suis en train de voir des tempêtes dans l'église en train d'être suspendues. Niko naona surupa iko na pita ndani la kanisa. Le Saint-Esprit me convainc ce matin. Roho milele na nakikishia asubuhi. Décide d'arrêter les tempêtes. Anapanga mpango kwa shale le suruba. Anachukua mpango wa kucha suruba. La révélation de Dieu dans toute la Bible. Ufunuo wa Mungu ndani ya Biblia yote mzima. Ce que j'aime, kile napenda, c'est que dans Genèse, mu mwanzo, Dieu se révèle à Abraham. Mungu anajionekanisha kwa Ibrahim. Il devient le père des nations. Anakuwa baba wa mataifa. La révélation change le nom. A ufunuo kuna badilisha jina. Et engendre. Na ikonasa. Une destinée. Uchio. Je pensais que tu allais dire amen. Il fikira tsema utasema amina. Alors que tu dis amen que ça t'attache à toi. Na vile kuna sema amina yambatane kwako. La révélation change le nom. Ufunue kuna badilisha jina. Et engendre une destinée. Na iko na sa uchio. Dans Exode, Dieu se révèle à Moïse comme je suis. Kutoka Mungu anajionesha kwa Musa kama Musa. Un fugitif devient libérateur d'un peuple. Kwa mtu ambaye ruhusa kumuzuta nyuma. Tu peux monter avec moi. Tu peux m'accompagner, tu peux monter. Je disais dans Exode, Dieu se révèle à Moïse comme je suis. Mungu anajionekanisha kwa Musa kama Yoshua. Un fugitif. Mtu ambaye kwanza kumtu. Devient libérateur d'un peuple. Anakuwa mkombozi wa taifa. Tu ne dis pas amen bien. Alors que je parle, je suis en train de parler comme un prophète. Que les paroles qui sortent s'attachent à ta propre vie. Dans Lévitique, Dieu se révèle comme ça. Le peuple apprend à marcher dans la présence de Dieu. Dans Nombre, Dieu se révèle comme guide. Devient alors un lieu de formation. Devient alors un lieu de formation. Dans Deutéronome, Dieu se révèle comme Dieu d'alliance. Un peuple est préparé à entrer dans l'héritage. Tu ne dis pas amen bien. Je disais que dans Nombre, Dieu se révèle comme Dieu d'alliance. Un peuple est préparé à entrer dans l'héritage. Dans ma Bible, dans Josué, Dieu se révèle comme chef des armées. Les murailles tombent. Je dis les murailles tombent. Dans Juge. C'est qui a vu? Dans juge, quand Dieu n'est plus connu, wakati mungwa julikane tena, le peuple tourne en rond. Taifa inaanza kuzunguka fasi moja. Quand Dieu n'est plus connu, wakati mungwa bamujua tena, n'avance pas. Hakuna tena kusonga mbele. N'évolue pas. Hakuna kwenda tena. La situation ne change pas. Hali yako ibadilike tena. Amen. Amina. Dans Ruth, Muruta, Dieu se révèle comme rédempteur. Mungwa anajionekanisha kama rédempteur. Étrangère entre dans une génération messianique. Une étrangère entre dans la lignée messianique. Je prie, si tu es étranger à la royauté, que le Dieu de Ruth se révèle à toi. Elle fasse entrer dans la lignée, dans la royauté. Dans 1 et 2 Samuel, Dieu se révèle à David. Un berger devient roi, un formateur. Un berger devient roi, un formateur. Il est possible que tu aies grandi à Kansese, mais que Dieu se souvienne de toi et te fasse roi. Un berger devient roi. Un réformateur. Dans les livres de rois et de chroniques. Écoutez, c'est grave ce que j'ai découvert. Dans les livres de rois et de chroniques. Quand Dieu est oublié, papa. Le royaume chute. Le royaume chute d'abord. Mais quand Dieu est révélé, la nation se relève. La nation se relève. Je déclare tout ce que tu as perdu, parce que tu as oublié Dieu, revienne à toi maintenant. Parce que ma Bible me dit, je vous remplacerai. Les années sont dévorées. Les Gazam, les Asiles, la grande armée que j'ai envoyée contre vous. Écoutez, ces sauterelles-là ne sont pas venues de l'ennemi. Ces sauterelles ont été envoyées par Dieu lui-même. Quand tu oublies Dieu, ce n'est pas lui qui se retire. C'est ta connexion avec lui qui disparaît. Il y a des châtiments qui viennent. Non pour te tuer, mais pour te reconnecter et te rapprocher de toi. Pour te connecter et te rapprocher de Dieu. Alors, quand Dieu dit, je vous remplacerai les années, je viens dire à quelqu'un, tout celui qui a jugé bon qu'il a vécu le retard, ce matin, Dieu vient remplacer les années que tu as. Il est possible qu'il y ait des gens qui ont avancé devant toi. Mais Dieu vient remplacer les années. Dieu vient remplacer les années. Dieu vient remplacer les années. Il remplace le travail. Il remplace le mariage. Il remplace la vie. Il remplace la situation financière. Il remplace les années. Dans le livre d'Esther. Amen. Dans le livre d'Esther. Dieu se révèle dans le silence. Une reine sauve une nation. Dans le livre de Job. Je se révèle souverain. La souffrance de Job devient alors révélation. Je viens d'annoncer une chose. Que Dieu se révèle à toi. Et que comme Job, tu puisses oublier les choses que tu as perdues. Dans le remplacement de ce matin, je prie que Dieu te rembourse, te remplace à la double, à la triple mesure. Tu ne dis pas amen bien. Dans le livre de Psaumes, Dieu se révèle comme refuge. La louange devient alors une arme spirituelle. La louange devient alors une arme spirituelle. Dans le livre des prophètes, Dieu se révèle comme Dieu de l'histoire. Il avertit. Il redresse. Et il restaure. Que 2026 soit ton année de restauration. Que 2026 soit ton année de restauration. Dans les évangiles. Dieu se révèle en Jésus-Christ. La plus grande révélation de Dieu. Se révèle en Jésus-Christ. Le ciel entre dans une histoire humaine. Écoutez, qu'est-ce que ça signifie Dieu se révèle en Jésus-Christ? Ça signifie que Dieu au ciel, il descend et il entre dans une histoire humaine. Je considère, ça n'engage que moi, que c'est la plus grande révélation de Dieu. La révélation de Dieu en Jésus-Christ. Et la révélation qui fait descendre le ciel sur la terre. Dans Actes. Dieu se révèle par le Saint-Esprit. Les hommes ordinaires deviennent des révolutionnaires. C'était des hommes ordinaires, enfermés dans une chambre. Plus de 2000 ans après, la révolution reste toujours révolution. Je prie ce matin que l'homme ordinaire que tu es soit transformé en révolutionnaire au nom de Jésus. Que l'homme ordinaire que tu es soit transformé en révolutionnaire au nom de Jésus. Dans ton travail. Je dis un mot, vous répondez révolutionnaire. Dans ton travail, révolutionnaire. Dans ton mariage, révolutionnaire. Dans tes études, révolutionnaire. Dans ton quartier, révolutionnaire. Dans ta famille, révolutionnaire. Dans ton pays, révolutionnaire. Dans ton église, révolutionnaire. Révolutionnaire. Révolutionnaire. Oh. Dans les épîtres. Ouais. Dans les épîtres. Dans les épîtres. Dieu se révèle en nous. Mungana jone kanisa kwetu. Dans les épîtres, Dieu se révèle en nous. Oh, épîtres, mungana jone kanisa kwetu. L'église devient alors un corps actif. Kanisa nakuwa kiumwili ya kutenda paka pale. Apocalypse. Dieu se révèle comme roi éternel. L'histoire humaine s'incline devant le royaume éternel. Je déclare sur ta vie. Là où Dieu se révèle, l'homme n'est plus spectateur. L'homme devient acteur. Il est là où les acteurs se révèlent. Se lève, l'histoire change. Je répète, sois interprète pour que tu puisses m'entendre. C'est la dernière déclaration, saisis-la comme tu veux. Je ne sais pas ce que tu vas faire. Dieu m'a dit ce matin, j'étais assis là, que là où Dieu se révèle, l'homme n'est plus spectateur. Yeah. Il devient acteur. Yeah. Et là où les acteurs se révèlent, yeah, et se lèvent, yeah, l'histoire change. Yeah. Pendant que tu acclames, que tu sautes, que tu cries, alléluia, l'histoire change au nom de Jésus. Il va dire que tu n'as pas l'histoire change au nom de Jésus. Il va dire que tu n'as pas l'histoire change au nom de Jésus. Il va dire que tu n'as pas l'histoire. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux célébrer le roi de rois, le Seigneur de seigneurs? Est-ce que quelqu'un peut acclamer royalement le Seigneur? Est-ce qu'on peut tous se tenir debout et célébrer Jésus? Est-ce qu'on peut célébrer Jésus? Non, ne te fatigue pas d'acclamer, n'arrête pas d'acclamer. Non, ne sommeille ni le dos celui qui veille sur toi. Alors ne te fatigue pas d'acclamer. Est-ce que tu peux célébrer Jésus? Célèbre comme une personne qui vient de recevoir une nouvelle révélation de Dieu. Je disais, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur comme une personne qui vient de recevoir une nouvelle révélation de Dieu? Lorsqu'on reçoit une nouvelle révélation, le langage change. Même ta façon d'acclamer change. Même ta façon de pousser des cris de joie change. Malata balada sofe. Ofe madesh. Dis à 5 personnes, le ciel est ouvert. Non, je sais pourquoi j'ai dit, cherche 5 personnes. Et dis-leur, le ciel est ouvert. Est-ce que la chorale peut nous aider avec ce chant? L'onda. Est-ce que la chorale peut nous aider avec ce chant? Alors que nous sommes en train de faire ce chant, il y a quelque chose qui s'active dans la vie d'une personne. Le Seigneur est en train de faire un travail dans la vie d'une personne. Écoute, j'aimerais que tu fasses ce chant avant que l'Esprit de Dieu ne commence à nous donner des orientations. Ce chant, alors que tu le fais, le Seigneur accorde la victoire dans ta famille. Alors que tu fais ce chant, non, je ne sais pas à qui je suis en train de parler. Je ne sais pas si c'est à toi que je suis en train de parler. Mais alors que tu fais ce chant avec la chorale, il y a une victoire. Seve Bale, Kaido Sawele, Aliyango Melave, Sawila. Il y a quelque chose d'extraordinaire. fasse ce chant tous ensemble. J'aimerais que tu fasses ce chant. Fais ce chant ensemble avec la chorale. Acclame le Seigneur. Avant toute chose, nous disons encore une fois merci à notre papa pour la marque de confiance. Merci encore une fois, papa. Merci. Est-ce que tu peux me faire l'esprit et l'épouse d'Isophia? Pendant que je suis en train de parler, je vois dans mon esprit un nom. Bakatamboa. J'entends ce nom, je le vois et je l'entends. Bakatamboa. Ela sofede. Ando azista fola inoka intolomia ziza valoba inta ukimila waunti kabahanko. Come on. Wanjijili mia uzavele teneni ya makatanu wa bakalabia katuntu wa mia kanta. Zapeli ya novala katela mia manauta wa makapele leba hata yaso. Solo no mia tano sipele nika. Etili zizi vili milipulu wa talakampe. Selitili malia de la hatifa. Lotela ya kapalamasi. Isia dilema atoa wata toto mene mechocho pala la baka la kaba la kopa la la la kaba lotia. Et pendant que je parle de ce nom, je vois on ajoute côté. Come on prophet. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Maman, vous allez bien? Un peu bien. Le nom de Bakatamboa, ça vous dit quoi? Ou bien je le prononce mal? Présent? Mon assédié, maman. Parce que pendant que je suis en train de parler, je vois un numéro de téléphone. Come on, prophète. Et le numéro dans le de téléphone que je suis en train de voir, je vois il y a 58 54 579. Est-ce qu'une personne peut célébrer le prophétique? Non, célèbre le prophétique. Célèbre le prophétique. Come on, prophet. Mama, yo te mukatala. Come on, prophet. Pendant que j'étais en train de voir ce nom, le Saint-Esprit est en train de me dire une chose. J'ai fait une vision où j'ai vu une fumée noire qui est en train de s'élever sur le nom de Bakatamboa. Et le Saint-Esprit est en train de me dire que la sorcellerie a tellement opéré dans la famille de cette personne. Et on a voulu, l'année passée, on a voulu mettre fin à votre vie. Mais le Saint-Esprit est en train de me dire, 2026 est une année dans laquelle Dieu se décide de frapper toutes les personnes qui vous ont combattu. Parce que Amen. Dieu est en train de me dire, Banamiko Manisha Sana Kwangufu. Même pendant que je suis en train de parler, je suis en train de voir pendant la nuit, dans les jours Yakumukongo, un esprit est venu vous combattre pendant la nuit. Et l'une des choses que cet esprit cherchait à faire, il cherchait à bloquer votre respiration. J'ai vu de la respiration devenir difficile. Et le Saint-Esprit est en train de me dire, toutes ces choses, ce sont l'œuvre de la sorcellerie qui est en train d'opérer dans votre vie. Et cette œuvre de la sorcellerie n'opérait pas seulement sur votre vie, mais elle s'est décidée de détruire la vie de vos filles. Come on. Et quand je parle de détruire la vie de vos filles. Je suis en train d'entendre dans mon esprit comme un esprit de déshonneur qui voulait déshonorer. Mais le Saint-Esprit est en train de me dire, vous avez été beaucoup combattu, mais la première des choses que Dieu me dit de vous dire, vous allez compter pratiquement 2 mois. Après 2 mois, il y aura deuil dans votre famille. Et pendant que je suis en train de parler, Dieu me dit ce deuil, à partir de ce deuil, ça sera la délivrance totale et tangible de Amen. Dieu dans votre vie. Yes. Akoli isaushapela nagayata. La scopera nagli atafausha. Et pendant que je suis en train de vous parler, je sens une douleur sous ma jambe droite. Et le Seigneur est en train de me dire que la douleur que je sens sur moi, c'est la douleur qu'on a voulu vous infliger à vos pieds. Mais pendant que je vous parle, Dieu me dit de vous dire, il s'est décidé de vous visiter fortement dans votre vie. Amen. Cette année. Et Dieu sera en train de rendre la santé très stable. Yes. Et vous allez témoigner le Dieu de ce lieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Makaba ataoucha parada. Makato wasi paranaklita. Sopela makula nabako. Osa parada. Mateloa. Est-ce qu'une personne peut bouger? Pawaya. Ah là-bas. Peria nomega. Sento felia use. Papa. Makiwa yama. Yes. Pendant que vous acclamez, ça pousse qui? Ça pousse. Vous, papa. Oui. Ça ne vous dit rien. Parce que pendant que vous étiez en train d'acclamer, j'ai vu, on a écrit S. Avance, prophète. U-B-A. Ça ne vous dit rien. Come on. Ça ne vous dit rien. Et c'est pas sous. Sous quoi? C'est pas sous. Pas sous. Hey, comment est-ce que je les ai vus comme ça? 099 92 22 381. Yes. Oh, tu ne célèbres pas le prophétique. On célèbre pas le prophétique ici. Je disais, ta manière de célébrer le prophétique est en train de me tourner. Je répète. Alors que le prophète est en train de parler de maman, et alors qu'on est en train de bouger les mains, j'ai vu un nom sortir, le nom d'Élisée. Même s'il y a 3 Élisées, il n'y a pas de problème. Le Saint-Esprit sera en train de localiser. Élisée. Élisée Moulamba. Élisée Moulamba, c'est vous? C'est votre cousine? Est-ce que célèbre vous le prophétie. Come on, prophète. Severia Noma. Enkelu wapa asteveria akute. Perania vuse enkomeli avradia ades. Adali come entemenia ases. Élisée Moulamba est où? Al-Boumbashi. Est-ce qu'Élisée Moulamba est mariée? Non, elle n'est pas mariée. Come on, prophète. Parce que quand le prophète est en train de prophétiser sur maman, le prophète parlait de l'esprit de déshonneur. Et je voyais ce même esprit attaquer la vie d'Élisée Moulamba. Come on, prophète. Élisée Moulamba. Je vois comme quelque chose qui a été envoyé par le monde des ténèbres dans sa vie. Venez, je vais vous dire un mot. Mmh. pouvez prendre le micro. Il y a des choses qu'on ne dit pas au micro. Parce que le prophétique vient avec l'éthique. Il y a des choses que je ne peux pas dire au micro. Amen. Mais le Seigneur est en train de me dire que cet esprit qui avait été envoyé dans la vie de Élisée Moulamba voulait commencer à travailler dans les 3 mois qui sont en train de venir. Je vois Élisée Moulamba rencontrer une personne à Lubumbashi et se mettre avec cette personne. Et ce que je vous ai dit ici à l'oreille, arrivé dans la vie d'Élisée Moulamba, le Seigneur est en train de me dire, de vous dire, vous devez dire à Élisée de faire fortement attention. Parce que je vois qu'elle est... Come on, prophète, come on. Hier soir, vous avez parlé. Parle avec Élisée Moulamba. Et dis-lui que la chose viendra de son entourage. Ok? La chose viendra de son entourage. Et si elle ne tire pas attention dans son entourage, la chose sera en train d'arriver dans sa vie dans les 3 mois qui viennent. Est-ce que tu m'as compris? Est-ce qu'une personne peut célébrer le Seigneur? Je vais faire quelque chose. La dame Jocelyn Ngoy Ndala. Est-ce qu'elle est là? Maman Jocelyn Ngoy Ndala. Elle n'est pas venue. Vous voyez, maman Jocelyn a un problème. Ça, c'est la deuxième fois qu'elle rate encore. All honor. Homme de Dieu, vous pouvez me donner la main. Homme de Dieu, Marc, c'est ça votre nom? Alors qu'on s'est salué là, le Seigneur m'a dit, celui-ci c'est mon serviteur. Je vous ai vu modérer là, mais Dieu était en train de me dire que dans les temps qui viennent, 2026 ne finira pas. Dieu sera en train d'utiliser votre ministère, non pas dans la modération, mais plus dans l'enseignement et la prédication. Est-ce que vous êtes en train de m'écouter? Come on, prophète, come on. Attends, je fais un pas. Je fais un pas. Je te vois dans un moment de prière. Je te vois dans un moment de prière. Et dans ce moment de prière, tu étais en train de demander à Dieu de te dire exactement dans quel domaine le Seigneur t'attend pour servir et pour le manifester. Parce que tu dis, je veux marquer la différence dans cette génération. Et je ne veux pas faire comme tout le monde. Alors que j'étais salué là, j'ai vu l'ange de Dieu se poser à tes côtés. Et le Seigneur me dit qu'il va t'utiliser fortement dans le don de guérison. Je suis en train de parler devant l'église. Et Dieu me dit, là où tu seras en train de rendre ministère, Dieu sera en train d'utiliser fortement tes mains dans le don de guérison. Beaucoup de personnes seront guéries par la puissance du Saint-Esprit, mais en passant par ton ministère. Est-ce que tu es en train de me comprendre? Tu me comprends? Voici ce que tu vas faire. Je te vois aller dans un temps de jeûne et prière de 3 jours où tu seras en train d'aller en retraite. Et tu seras en train de demander au Seigneur une seule chose. Je veux que tu puisses m'utiliser dans le couloir de mon appel. Parce que après mina kusumurisha. Comment? Mina ona bantu ba kufo ba prophétiser. Na bale bantu ba ku prophétiser, baranza ku kwambuye parce que mina shika muntu na kuita prophète, mwingine na kuita apôtre. Cool prophète. Maintenant, ni kwambie sasa, tu travailles dans quel ministère? Non, on va dire j'ai fait une passe à l'église. Non, non. Je vous dirai ça à la fin. Est-ce qu'une personne peut célébrer le prophétique? Prophète Kou. Est-ce qu'on peut célébrer le prophétique? Nous sommes presque à la fin. Est-ce qu'on peut célébrer le prophétique? J'entends un nom comme Boduka. Boduka. Boduka. Oui, mon frère. Non, tu célèbres mal le prophétique. Boduka, c'est qui? C'est le nom de la famille. Je suis en train de chercher Boduka Morofia. Boduka Morofia Meshach. C'est ça. Come on. Son numéro de téléphone, c'est 097 17 29 818. C'est ça. Campela non soba. Parce que pendant que je parle de Meshach, le Saint-Esprit me parle de Samy. Le Saint-Esprit me parle de Eldad. Le Saint-Esprit me parle de Medad. Come on, come on, come on. Le Saint-Esprit me parle de Victor. Come on. Champela Magalia Adoa. Le Saint-Esprit est en train de me dire une chose. Pourquoi Dieu est en train de me parler de votre famille? Dieu me dit que l'année passée, vous avez subi une forme de secousse dans la famille. Une très forte secousse. Parce que quand je parle du secousse, je suis en train de voir un papa allongé par terre. Et Dieu me dit qu'il y a eu la mort de votre père. Mais Dieu est en train de me dire, chose qui est bizarre, c'est qu'on voulait qu'après une année, que vous puissiez perdre votre mère. Come on. Le monde de ténèbres voulait que vous puissiez perdre votre mère. Mais chose qui est bizarre, à la mort de votre mère, le choc de la mort de votre mère devait prendre Meshach. C'est pourquoi Dieu m'a parlé de Morophia. Mais le Seigneur est en train de me dire, ma Sophalia, cette activité est venue aussi avec une forte puissance de délivrance dans l'œuvre de la sorcellerie. Dieu me dit, il y a une très forte puissance de sorcellerie qui est en train d'opérer dans votre famille. Et pendant que je suis en train de vous parler, parce que j'ai vu le feu sur la ville de Kinshasa, et c'est là que le feu est en train de monter. J'ai vu des gens pleurer à Kin, et le Seigneur est en train de me dire, tout ça, c'était l'œuvre de ténèbres contre votre famille. Mais ainsi me parle le Seigneur, qu'à cause de votre présence ici, à cause de cette activité, Dieu prend la résolution, premièrement, de mettre fin à cette loi. Deuxièmement, Dieu prend la résolution. Dieu prend la résolution. Je veux le dire en swahili. Mungwanase manata fanya mambo moya. Itemi pangusha machozi kwa ajabu sana. Yes. Je le parle comme prophète. Dieu me dit anechika. Come on. Qui a fait des trucs malopayadash? Pourquoi je suis en train de voir des trucs d'installation? Maman Mossa, ma moto, quelqu'un qui installe. C'est qui? Meldad. Dieu me dit, va dire à Meldad. L'une des choses aussi qui va suer les larmes de Meldad, Dieu sera en train d'ouvrir à la Bachataba une forte opportunité, une grande opportunité dans le truc d'installation. Et à cause de cette opportunité, j'ai vu sa vie changer. Je dis, j'ai vu sa vie changer. Yes. Et pendant. Oh la caparana glada chapadia. Et Dieu me dit, allez dire à maman que Dieu s'est décidé de se souvenir d'elle. Elle m'a lagué. Les gens diront que réellement elle n'est pas veuve. Parce que les choses que Dieu sera en train de faire, amen, ils vont se poser la question, comment est-ce qu'une veuve peut exceller de la sorte? Yes. Parce que Dieu s'est dit, je veux consoler sa famille. Yes. C'est vous maman, que Dieu le fasse au nom de Jésus. Papa, quand je finis avec vous, pendant que j'étais en train de vous regarder, j'étais en train de voir une chose. J'ai vu dans mon esprit le Seigneur ouvrir une porte. À partir de juillet, j'ai vu deux portes s'ouvrir. Mais la porte que j'étais en train de voir, elle s'ouvre dans les domaines comme les domaines informatiques. Et le Seigneur est en train de me dire, il y a une organisation qui veut commencer un projet, mais ce projet sera lié comme à des trucs d'intelligence artificielle. J'ai vu ce genre de projet et le Seigneur me dit, vers mi-juillet, il y a des gens qui viendront vers vous afin de vous proposer ce projet. Mais Dieu est en train de me dire, ne soyez pas pressés d'accepter ce projet. Parce que il y a ça. J'ai vu lorsque vous avez accepté ce projet, je vous ai vu, on vous a détourné. Mais le Saint-Esprit est en train de me dire, il y a un projet qui viendra au mois de juillet. Mais après, toujours dans ce mois, il y a un deuxième projet. Je veux demander plus de précision sur Dieu afin de mieux vous orienter. Et Dieu me dit, et c'est ce deuxième projet que vous devez accepter. Et après avoir accepté cela, Dieu me dit de vous dire, votre vie va totalement changer. Amen. Totalement changer. Mais pendant que vous êtes en train d'acclamer le Seigneur, vous donnez cours. Vous donnez cours. Parce que Dieu m'a dit, pendant que vous êtes en train d'acclamer, j'ai vu une craie tomber. Et Dieu m'a dit que ce projet viendra par des collègues. Vous serez branchés par des collègues avec qui vous travaillez. Mais voilà, il y a une forme de haine qui s'est déjà fortement levée. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on a retardées. Mais Dieu est en train de me dire, cette année, il se décide de régler toutes choses qu'on a retardées. Et pendant que je suis en train de vous parler, Dieu m'a dit de vous dire, il accepte de protéger votre femme parce qu'elle est dans une période où les gens cherchent à lui faire du mal. Mais Dieu me dit de vous dire, Dieu l'accepte de protéger votre femme. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'une personne peut célébrer le Seigneur avec l'autorisation de papa? Avec l'autorisation de papa, nous serons en train de donner une dernière chose à l'église. Alors que nous étions en train de prier avec le prophète. Papa, pour 2026, le Seigneur était en train de nous dire que l'église est en train d'aller dans une saison de restructuration. Où il y a beaucoup de choses que le Seigneur veut faire dans l'église. Mais beaucoup de choses viendront. Et pour ceux qui ne seront pas prêts pour la restructuration, resteront en arrière. Le Seigneur m'a dit, j'étais en train de prier et j'ai dit, comment je vais dire cela? Le Seigneur m'a dit, dis-le devant l'église, parce que je suis en train de dire devant l'église qu'il y a un travail que je veux faire dans ma maison, et ce travail là va demander des personnes qui sont sensibles à ce que je veux faire et qui aiment le Seigneur de tout leur cœur. Et pour tous ceux qui ne pourront pas s'aligner par rapport à ce que le Seigneur veut, ils seront restés en arrière par rapport au travail que le Seigneur est en train de faire. Après ce départ et ce temps, le Seigneur dit, je suscite dans mon église un esprit prophétique afin que l'église puisse marcher avec une direction claire. Dieu sera en train de susciter dans cette église des hommes et des femmes qui vont l'entendre et entendre clairement les directives de Dieu. Et ce sont ces personnes-là qui deviendront des yeux pour l'église afin de communiquer ensemble avec le leadership qui vous donnera ce que Dieu attend pour l'église Source Féconde. Voici ce que le Seigneur a dit par rapport à l'église Source Féconde. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Je bénis vraiment le Seigneur pour tous mes enfants. Et aujourd'hui, il y a des choses que je vais vous dire. Il y a des choses que je vais faire. Je vais prier pour eux. Je vais les consacrer, je vais les oindre. Donnons d'abord les offrandes. Comme ça, on fait le service après. Et je vous expliquerai pourquoi. Est-ce qu'on peut donner les offrandes rapidement? La chorale vous accompagne. Kolo Yesu alongo linga soni Masi ya Yesu akabe linga omoye Boya boya boya e Boya boya na e Ah Kazana mongo e Hey Yesu e Yesu alongo linga soni Masi ya Yesu akabe linga omoye Boya boya boya e Boya kotala e Azana momo e Kolo Yesu alongo linga soni Masi ya Yesu akabelinga momo e Nazaloko ye kotelinga na namokili e Moto amasungu nani atalanga na miso mawa e Kolo Yesu alongo linga soni Masi ya Yesu akabelinga momo e Mokili usimbe la genyi mabanga mpona kufu Nisungu na sala ki isimbe la kika inaleka Kolo Yesu, kaji yesika nanga Alobi nanga ikwa, ene peshe ki Boya, boya, boya Boya kotala Asana bomo Yesu Kolo Yesu alongo linga soni Yemi yamona ze Masi ya Yesu akabelinga mpoe Boya boya boya e Boya kotala e Azana momo e Kolo Yesu alongo linga soni Masi ya Yesu akabelinga mpoe Amemelanga bome Amemelanga bome Alongo langa botutu, apesa na eloka Yesu ameme langa bomengo Ameme langa bomengo Alongo langa botutu, apesa na eloka Sikili ya esengo Sikili ya esengo Usika na Yesu, akosuka wapi Yesu sikili ya esengo Sikili ya kobonga na vi Usika na Yesu Nous allons prier pour les offrandes. Élève ta voix, prie pour les offrandes. Remercie le Seigneur pour les offrandes. Seigneur, nous te disons merci pour ces offrandes. Nous recommandons tes enfants entre tes mains. Que ta grâce soit au milieu de nous. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Je voulais faire quelque chose ce matin et devant l'église pour vous expliquer certaines choses, expliquer ma vision, la vision que Dieu me donne, expliquer le travail que nous faisons avec le Seigneur. Expliquer comment nous allons travailler avec le Seigneur. Nous formons nos yeux. Nani anaye weza Yesu. Ba-ba-gu-mu-i-za-ni-ya Alléluia. J'ai résolu ce matin de consacrer et de prier pour mes deux enfants. Et de prier aussi pour d'autres qui sont là. En fait, c'est quoi la consécration? Il ne faut pas que le mot fasse trembler les gens. En fait, c'est une action. La consécration, c'est quoi? C'est une action de consacrer. C'est de mettre une personne à part pour le service de l'Éternel. Et de dire que voici le service que la personne est appelée à faire et en tant que père de le faire pour bénir cette personne. Pour protéger la personne. Parce que la personne travaille toujours sous une onction. Et c'est important de comprendre ces choses. La vie chrétienne et la révélation dont on parle, la connaissance, elle est progressive. D'ailleurs, Jean, il le dit très bien dans 1 Jean chapitre 3. Ce que je sais maintenant, je suis enfant de Dieu. Mais quand je le verrai, quand je le connaîtrai encore mieux, je sais que je serai semblable à lui. La connaissance est progressive. La révélation est progressive. Et il est important pour moi, en tant que père, de voir des grâces dans les enfants et de prier pour ces grâces. La consécration a aussi des interdits. Des interdits. Et la Bible est claire, dans le livre des Nombres, on a donné à Manoah et à sa femme des interdits à respecter. On a donné à Samson des interdits à respecter pour qu'il marche dans la consécration. Je l'ai fait pour mes enfants, les enfants de cette église. Et je l'ai fait chaque fois que le Seigneur me convaincra, me le dira de le faire. Vous allez comprendre que les procédures protocolaires, je ne les aime pas beaucoup. On va m'expliquer beaucoup de choses. Je le fais pour que la parole de Dieu soit libérée correctement. Donc ce que je fais pour eux, ce que je vais faire pour eux ce matin, ça sera valable pour tous les enfants de l'église. Là où je verrai et là où Dieu me convaincra de le faire, je le ferai. Et je crois que cette année, c'est aussi un exemple pour tous les jeunes. Vous allez voir de plus en plus, j'ouvre de l'espace pour les jeunes. pour qu'ils comprennent que Dieu est avec eux et Dieu travaille avec eux. Pendant 4 jours, le travail qui a été fait par les serviteurs de Dieu, par nos enfants, il est extraordinaire. Des révélations extraordinaires. Et nous avons été bénis. Et depuis le matin, vers 5h ou 5h30, je priais le Seigneur, j'ai dit, Seigneur, bénis ces enfants. Et c'est important de comprendre ces choses. Sten, tu peux t'élever. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour lui? Joy, tu peux t'élever. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour lui? Des enfants de l'église qui sont nés à l'église, Ecodim, JPC. Peter, viens aussi. Viens aussi. Un autre enfant de l'église. Donc, ils sont nés à l'église. Ils ont reçu le Seigneur ici. Ecodim, JPC. Mets-toi debout aussi. Et je suis fier d'eux. Ils servent le Seigneur. Peter, il va nous assister parce qu'il est déjà consacré pasteur. Mais je prierai pour lui aussi. Ouais, c'est important que je fasse ces choses pour mes enfants. Ce sont mes enfants partout où ils sont. Et ils font un travail extraordinaire. Ils enseignent la parole de Dieu. Ils gèrent des âmes. Déjà maintenant, ils gèrent des âmes. Quand je dis gérer les âmes, c'est vraiment gérer. C'est que ça ne se limite pas seulement à la chair où tu donnes la parole. C'est-à-dire qu'ils vont même au-delà de partager, d'aider les âmes dans leur vie. Donc c'est la responsabilité pour moi en tant que père de prier pour eux et que l'onction de Dieu, que mon onction les protège et qu'ils avancent avec le Seigneur. Que mon Dieu soit leur Dieu. Alléluia. Alléluia. Partout ils seront, que le Seigneur continue à les assister. J'ai commencé à les faire pour d'autres personnes qui ne sont pas nécessairement de l'église. À Kolwezi, il y a des pasteurs. Il y a des gens pour qui j'ai prié à Lubumbashi, d'autres je vais prier pour à Lubumbashi. Et Dieu permet que je le fasse aussi pour mes enfants. Et je bénis le Seigneur pour cela. Je vais prier pour eux. Je vais leur imposer ma main. Je vais les oindre pour que l'Esprit de Dieu soit sur eux, marche avec eux. Je vais donner quelques exemples dans la Bible. Mettez-moi Actes chapitre 13, verset 3. Non, commencez par Actes chapitre 9, verset 17. Actes chapitre 13, verset 3. 1 Timothée chapitre 4, prenons juste les 3 versets. 1 Timothée 4, verset 14. Et après, je vais prier pour eux. Acte chapitre 9. Verset 17. La Bible dit Ananias sortit et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant: Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Ananias a imposé la main à Saul, Paul, pour qu'il commence un service. Pendant qu'il était dans le service, Acte 13, 3, c'est le deuxième verset que j'ai donné. Après avoir jeûné et prié, non, commençons par le verset 1. Carrément. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs: Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaen, qui avait été élevé avec Hérode le Tétrarque, et Saul. On dit et Saul. Verset 2. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit: Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Mettez-moi à part Barnabas et Saul. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Donc, ce sont des choses qui se font dans l'église. Pendant que nous prions, l'esprit convainc le pasteur, le berger. Il lui dit: prie pour tel, prie pour tel, prie pour tel. Prophète, apôtre, etc. Prie. Je le ferai suivant que le Seigneur nous le donne. Nous prenons un petit temps pour vérifier certaines choses. Je vérifie déjà pour d'autres personnes, même si je ne dis pas. Si le ministère est authentique, si. Si ce sont réellement des enfants. Parce qu'il y en a qui restent pendant que tu dis aïe, il sort, dit ah, ok Seigneur, il n'y a pas de problème. Voilà ce que les choses que nous faisons. Alors, un jour, Saül rencontre Samuel. Samuel, il prend une fiole d'huile. Une bouteille d'huile. Il répand sur Saül. Il lui dit: l'Esprit du Seigneur te saisira et tu seras transformé en une autre personne. Ça, c'était ma prière ce matin quand je priais pour eux. Que l'Esprit de Dieu les saisisse et qu'ils soient transformés. Qu'ils continuent à servir le Seigneur. Et que Dieu les assiste dans ce qu'ils vont faire. Alléluia. Voilà, je bénis le Seigneur pour cela. Et Joystein, vous avancez ici devant. Mettez-vous ici à genoux. Peter aussi, mets-toi ici à côté. Toi, tu restes debout. Josias, mets-toi debout ici. Tous sont mes enfants, même Josias, j'aime beaucoup. Je vois que au fur et à mesure sur la route, Dieu me donne beaucoup d'enfants. Et nous allons faire ce travail pour eux. Ce sont des serviteurs. Je les considère désormais comme des serviteurs. Ils marchent avec le Seigneur. Ils annoncent la parole de Dieu. Et ils se sont déjà engagés à servir le Seigneur. J'ai le temps de parler avec eux. J'ai parlé de certaines choses avec eux et je continue à le faire au fur et à mesure. Si Dieu lui-même leur fait confiance, pourquoi nous, nous ne leur ferons pas confiance? Je ne viens pas nommer les gens. Le Swahili, c'est... voilà, il est compliqué. Je viens entériner seulement ce que Dieu a fait, je le confirme. Il y a des gens qui prophétisent, mais qui ne sont pas encore prophètes. Mais ils prophétisent. Ils sont prophètes, ou ils deviendront prophètes, quand l'Église reconnaîtra cette grâce, les appellera tel que je fais, priera et dira: allez-y, à partir d'aujourd'hui vous êtes des prophètes. C'est à ce moment-là qu'on pourra les appeler prophètes. Je parle à tous mes enfants, aux jeunes et à tout le monde. La même chose pasteur, la même chose apôtre, la même chose évangéliste. Mais nous devons le faire en tant qu'église. Et je le ferai. Je le ferai. Et quand tu le fais, tu t'engages. Et tu souhaites que eux aussi, qu'ils aient des enfants, qui seront les enfants. Ce seront toujours mes enfants, les enfants. Les enfants, les enfants. La vision de la source féconde, c'est que ces enfants, tous les enfants, là où ils partent, qu'ils servent le Seigneur et que la source féconde aille de l'avant. Je parle de la source féconde. Je parle de la source féconde. Qu'ils aillent de l'avant, qui continue et que Dieu se manifeste par eux. Voilà ce que nous allons faire. Et après ça, je vais faire la table. Je vais les inviter et puis on va avancer. Je peux avoir... Donnez-moi... Il y a un cantique. Je ne sais pas qui chante ça. Je vois le Seigneur assis sur son trône au milieu de... C'est qui chante ça? I see the Lord exalt upon us. C'est toi qui chante ça? C'est Keren? C'est qui? Hein? Hein? Genou, viens prendre. Ok, ça c'est l'huile d'olive qu'on a pris, il n'y a rien de sorcier. Et je vais prier pour ça. Je vais utiliser ça comme signe. Dans la Bible, plusieurs fois, on a utilisé ça. Dans le Nouveau Testament, on a imposé les mains. Donc, je vais et utiliser l'huile et imposer mes mains pour Sten, sur Joy, et après je prierai pour tous les quatre qui sont ici. Que Dieu puisse les assister. Et je prie ce matin, je les consacre comme des bergers et des prédicateurs de la parole de Dieu. Que l'onction de Dieu soit sur eux. Au nom de Dieu qui m'a appelé au ministère. Dieu dit dans la Bible, ce n'est pas nous qui l'avons choisi. C'est Dieu qui nous a choisi. C'est lui qui nous a appelés. Là où nous étions, Dieu nous a appelés parce qu'il avait placé quelque chose en nous. Il nous a fait confiance. Le Dieu qui les a appelés aussi, le Dieu qui leur a fait confiance, c'est ce Dieu-là qui va confirmer ce travail, ce service. C'est pourquoi je vais les recommander à la grâce de Dieu. Et que cette huile serve seulement de substrat, de signe, et qu'ils reçoivent cela par l'imposition de mes mains. On va prier pour eux, on chante ce cantique pendant que je prie pour cette huile. Seigneur, merci. Je prie pour cette huile. C'est toi qui as créé les graines d'olive. Élevé parmi le peuple, assemblé pour la qui produisent cette huile. Je vois. Je sanctifie cette huile. Oui, je qui est passée par les mains de plusieurs. Et maintenant qui tombe dans mes mains, qu'elle soit sainte, purifiée et sanctifiée pour servir à ta gloire. Je le vois. Oui, je le vois. Merci. Pour l'adorer, oui, je le vois. Oui, je le vois. Yéke à moi. Yéke à Marabo. Raya Bake, c'est Raya Bake. Yéke à Marabo, c'est Kéa. Yéke à Bacha. Oh, merci Jésus. Tu es fidèle. Je bénis ton nom. Je bénis ta présence. Ce que je ferai sur la terre sera accepté au ciel. Ce matin, accepte que nous sommes en train. Il m'a touché. Nous allons prier. Je mets cette huile dans mes mains et je vais imposer mes mains sur tes serviteurs. Sten, par l'Éternel qui m'a appelé au ministère. Par l'Éternel qui m'a fait son serviteur. Par l'alliance de mon Dieu, ce matin, devant l'église, et au nom de l'Éternel, mon Dieu, je proclame devant les anges et devant le monde spirituel, en présence de l'Éternel Dieu Tout-Puissant, je viens te consacrer comme berger et prédicateur de la parole de l'Éternel au nom de Jésus-Christ. Que mon Dieu soit ton Dieu. Que mon alliance soit ton alliance. Que tu sois couvert et soutenu par mon Dieu au nom de Jésus. Joy. Au nom de l'Éternel, mon Dieu, qui m'a appelé au ministère, qui m'a choisi pour le servir en ces lieux, devant l'église et en présence de tous les anges, et devant le monde spirituel, ce matin, je te consacre comme berger et prédicateur de la parole de Dieu. Que tu marches sous la couverture de mon alliance. Que mon Dieu soit ton Dieu. Partout où tu seras, que Dieu soit avec toi. Au nom de Jésus. Que le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, le Dieu de Jésus-Christ, que Jésus-Christ, que mon Dieu vous soit favorable, qui vous transforme en autre personne, qui vous élève très haut, très haut, très haut, non seulement sur le plan spirituel, sur tous les plans et les aspects de votre vie. Je détruis et j'annule les condamnations sur votre vie. Je détruis et j'annule les maladies sur votre vie. Je détruis et j'annule toutes les mauvaises paroles sur votre vie. Vous marcherez en vainqueur et Dieu se manifestera par vous. Vous allez prospérer dans votre vie, au milieu de vos enfants, au milieu même de vos femmes. Dieu continuera à se manifester. Je suis convaincu et je suis sûr. Et le témoignage de Dieu sera plus grand au milieu de vous. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Mettez-vous à genoux, je prie pour eux. Ce sont mes enfants aussi. Seigneur, merci pour le prophète Josias. Tu me l'as donné. Renouvelle son onction et son alliance. Marche avec lui dans la grandeur. Ce que tu fais maintenant sera faible par rapport à ce que tu feras dans les jours à venir. Parce que tu l'attaches au ministère. Je prie pour Peter. Seigneur, que son alliance soit renouvelée. Il fait aussi notre fierté en tant que Père. Manifeste-toi et bénis-le au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez tous vous lever. J'espère que mes mains ont de l'huile. J'espère que je ne vais pas tâcher. Je ne vais pas tâcher le certificat. J'espère que je me suis assez bien essuyé. Ça va? Je me suis assez bien essuyé. Ça va aller. Ok, je vais leur donner les certificats. Je demande aux parents de Joy et de Sten qui sont là. Ils s'approchent aussi, c'est aussi un honneur pour les parents. Oui, maman Pipi peut venir. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, on peut les encourager. On peut les encourager. On peut les encourager. Maman Fifi, tenez papa Eric à la main, vous venez ensemble. Nous encourageons le Seigneur. Remercier les parents qui ont éduqué les enfants, qui les ont soutenus. Et c'est aussi l'honneur pour les parents. Et c'est important de le faire aussi. Alors, certificat de consécration. J'atteste que Sten Kapen Irung Glory. Tiens, ton nom c'est Glory. Ah, je ne savais pas. A été consacré. Solennellement ce jour en qualité de berger et prédicateur. Après la prière, discernement spirituel et reconnaissance de son appel, de son témoignage chrétien et de son engagement en fidèle au service de Christ et de son Église. Par cette consécration, l'Église confie la mission de paître le troupeau de Dieu avec amour et fidélité, d'annoncer fidèlement la parole de Dieu, d'enseigner la saine doctrine, vivre une vie d'exemple de sainteté et de service. Puis il leur dit, allez partout dans le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Révérend pasteur Désiré. Voilà, ce certificat, c'est la même lecture, Sten et Joy, je vais la leur confier. Et je vais les leur confier pour ce que nous venons de faire. Et au même moment, je vais leur donner à chacun une Bible. Eux, ils vont se déplacer vers les parents. Pour les parents vont les congratuler. Et après, nous allons, pendant ce temps, nous allons chanter et les remercier. J'écris le nom dans les Bibles, Sten, que le Seigneur mon Dieu soit votre Dieu et vous accompagne toujours dans votre ministère. Votre père, pasteur Désiré M.M. Joy, que le Seigneur mon Dieu Jésus-Christ soit votre Dieu et vous accompagne toujours dans votre ministère. Votre père, pasteur Désiré, M.M., c'est ça. Bye, Nicole. Allez, on va louer le Seigneur pendant quelques minutes. Il est un chic ami qu'on a Il est un chic ami qu'on a Il est un chic ami qu'on a Il est un aweka moi qui baya ko. Ile unashika mikononi mwako Ile unashika mikononi mwako Ile unashika mikononi mwako Ile unaweka mwakiba yako Hakuna mtu anaweza kukunyang'anya Hakuna mtu anaweza kukuharibu Hakuna mtu hata bebe lo unashika Hakuna mtu anaweza kunyang'anya Hakuna mtu anaweza kuharibu akona mutu nanya bebelo na shika yes ikomo inanga oh avenir inanga mi bota na kanyoso oui eklesia nzambe ma bota ya bana na nzambe apôtre na ba pasteur ba évangéliste na ba diacre. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Nous aurons le temps de louer le Seigneur. Il y a toujours des choses, on les fait telles que Dieu nous les met à cœur. Alléluia. On aura le temps de louer le Seigneur, ne vous en faites pas. Alors, j'ai voulu faire la table ce matin. Pourquoi je fais la Sainte Cène? Il y a une puissance dans la table. Il y a une puissance dans la table parce que dans 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 26, à partir du verset 23, je veux qu'on gagne le temps. À partir du verset 23, on nous dit, c'est Paul qui dit, ce que j'ai appris du Seigneur, ce que j'ai reçu de Dieu, c'est que Jésus-Christ, dans la nuit où il fut livré, il prit le pain. Après avoir rendu grâce, il a rompu, il a donné, il a dit, ceci est mon corps. Et puis il a pris la coupe. Après avoir rendu grâce, il a dit, ceci est mon sang, le sang de l'alliance. Alors, dans le verset 26, on dit que toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous commémorez la mort. Il ne dit pas la résurrection. Il dit, vous commémorez la mort. Mettez-moi ce verset. Vous commémorez, vous annoncez la mort du Seigneur. Parce que ce jour-là à la croix, c'était le jour de la défaite de toutes les puissances des ténèbres. Donc, mine de rien, ce qu'il faut savoir, c'est que la table fait partie des armes spirituelles. Parce que nous annonçons la mort de Jésus. Le sang qui a coulé à la croix. Et pour moi, c'est une occasion, quand on mange la table, on se fortifie. Et on commence une nouvelle marche avec le Seigneur. C'est pourquoi j'ai voulu prier pour cette table. Et ils seront honorés aussi à partager cette table avec nous. Ils sont déjà baptisés, ils ont mangé plusieurs tables. Mais je prie que la table d'aujourd'hui soit une table qui va les introduire dans le ministère. Vous savez, la Bible dit, le matin je lisais, je riais même là où j'étais, il dit, l'Esprit de Dieu agitait Samson. Donc il ne pouvait pas rester tranquille. Donc il devait faire ce que l'Esprit lui disait de faire. Il va vouloir aller épouser chez les Philistins, son père lui dit non. Alors que c'est Dieu qui voulait ça. Je sais que l'Esprit de Dieu va les agiter encore plus. Ce qu'ils font maintenant, c'est peu de choses. Ils vont faire de grandes choses, ces jeunes gens. Non seulement eux. Bien-aimés, je le dis et je le fais officiellement, c'est pour tous les enfants des églises sous ce compte. J'ai été fait pasteur sans être diacre ancien, c'est directement du frère désiré au pasteur, même si on a dit premier ancien, directement parce qu'on m'a confié l'église. Donc, ça signifie que sur moi, il y a une onction qui peut faire aussi de vous la même chose. Et je le ferai pour tous les enfants. Et c'est pourquoi je le fais. Alléluia. Donc dans les jours qui viennent, je vais prier pour quelqu'un à Lubumbashi. Ainsi de suite, chaque fois que Dieu le permettra, je le ferai. Alors je vais prier pour cette table. Seigneur, je bénis la table. Aujourd'hui, c'est une arme. Devant le monde des ténèbres, c'est aussi une puissance qui va fortifier tes serviteurs. Je les recommande entre tes mains. Que ta grâce les bénisse. Je bénis cette table. Nous le prenons avec reconnaissance à la mort de Jésus-Christ. Et nous bénissons le nom de Jésus. Reçois l'honneur, la puissance et la gloire. Les anciens qui sont là peuvent s'approcher. Approchez-vous, vous pouvez enlever ça. Les diacres aussi qui sont là, approchez-vous. Nous voulons le faire très rapidement. Approchez-vous. Venez, venez tous. Je vous ai dit que cette année est une année exceptionnelle. Nous allons... Je crois qu'il y a même un message qui est sorti tantôt de la structuration de l'église, c'est vrai. Je travaille beaucoup. Il faut que d'ici le mois d'octobre, nous allons consacrer tout le monde. Mais déjà avant octobre, il y a beaucoup de choses qui vont se faire. À la fin de février, il y a l'apôtre Benjamin qui vient de Ouganda qui va travailler. Nous avons Pâques. Nous avons la chambre haute avec le prophète Huggins et le révérend Doxa d'Afrique du Sud. Pendant 5 jours, Ezekiel Sanki, pendant 5 jours, il termine. Dieu aidant, l'Ikasi Tador, le prophète Joe Grasse, il travaille. Et on n'a pas encore réglé pour la chorale, mais il n'y a pas de problème. Nous avons un programme de célébration Pâques. Nous voulons, cette année, Dieu va nous faire grâce. Pendant ce temps, je crois que les deux sièges ne seront plus ici. Ils seront quelque part. Et avec des gens ici qui vont servir le Seigneur. Et on va travailler comme ça. Seigneur, merci pour cette table qui va bénir ton peuple. Au nom de Jésus. Stan, Joy, approchez-vous. Maître de tout esprit, tu n'avais rien de ce monde. Témoin fidèle de l'histoire des hommes, l'auteur du vrai bonheur. Mon cœur et qui demeure toujours. Élève ta voix, continue à prier. Pendant que la table passe, nous prions. C'est toujours un moment de communion avec le Seigneur. Je te recommande à Dieu. On nous a parlé de beaucoup de choses aujourd'hui. Ceux qui connaissent Dieu, écrivent une autre histoire de leur vie. Non seulement de leur vie, même de la vie des autres, parce qu'ils connaissent Dieu. J'aimerais que tu pries, que la table de ce matin fortifie ta vie, te fortifie. Seigneur, merci. Merci pour ce moment que tu nous donnes. Père, cette table, qu'elle change nos vies. C'est le premier jour. Le premier jour du mois de février. Je prie que ta grâce soit sur ton peuple. Je prie que ta grâce soit sur l'église. Au nom puissant de Jésus. Souviens-toi de chaque détail de la vie de ton peuple, Seigneur. Tu n'as pas changé. Tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et Dieu, le temps est arrivé. Libère tes grâces dans l'église. Libère tes grâces auprès de tes enfants. Yeah. Seigneur, nous te sommes reconnaissants ce matin pour ce que tu es et pour ce que tu fais. Reçois l'honneur, la puissance et la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. On peut acclamer pour le Seigneur. Merci, que Dieu vous bénisse. Nous donnons le programme. Est-ce qu'il y a un visiteur qui est là pour la première fois au milieu de nous? Il peut lever sa main. Il y a le frère qui est là. Mettez-vous debout. Il y a maman qui est là. Est-ce qu'on peut les accueillir correctement? Que Dieu vous bénisse. C'est l'église sous féconde. Si vous avez le temps et si vous n'avez pas un endroit, venez. Nous serons dans la joie de marcher avec vous ensemble pour honorer le Seigneur. Ces places-là vous attendent. Que Dieu vous bénisse. Pendant qu'ils s'assoient, nous acclamons le Seigneur pour eux. Je donne le programme de l'église. Chaque matin, nous avons prière matinale de 6h à 7h. Prenons le temps de venir à la prière le matin. Lundi, nous avons les secteurs qui se réunissent dans les quartiers. Le secteur Zout va se réunir demain chez Papa Serge et Maman Mélanie. Numéro 24, route Kamatanda. SNCC USS à l'église. Quartier mission chez Papa Eric Mukendi. Sur Changalé, le numéro 7. Chitourou chez Papa Jules Niembo. Mardi, nous avons prière des serviteurs de 17h à 18h. Mercredi, nous avons culte d'enseignement. Et vendredi, nous avons prière. Dimanche, nous avons notre culte de bonnes nouvelles. Et nous nous encourageons à venir assister au culte. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous avons un grand anniversaire ce matin. Papa Pamphile Mombété. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour lui? Encore quelqu'un d'autre qui fête son anniversaire, on n'a pas cité le nom. Maman Meta, oh, venez. suis dans la joie. C'est vraiment un papa Pamphile. Ça fait combien? Combien? 76. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ça c'est une bénédiction de Dieu. Alors je prie pour toi. Usikufe kiana katika jina la Yesu. Ok, nous allons prier pour eux. Lèvons nos mains. Seigneur, merci pour ce jour d'anniversaire. Je bénis tes serviteurs. Oh, tu es un Dieu merveilleux. Que les années qui viennent soient encore bénies. Ajoute-leur encore des années. Bénis-les, Seigneur, dans tous les détails de leur vie. Souviens-toi d'eux. Nous te faisons confiance, Seigneur, parce que tu es fidèle. Reçois l'honneur, la puissance et la gloire au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous dis infiniment merci pour votre patience, pour votre... Parce que vous aimez Dieu. Voilà, que Dieu vous bénisse. Vous pouvez acclamer pour vous-même. Bon, je sais qu'il y a la pluie. La pluie, c'est toujours une bénédiction. Alléluia. Quand la pluie tombe, dites, ah Seigneur, merci pour la bénédiction. Ce n'est pas grave. C'est toujours une bénédiction. Alors, nous avons prévu, j'ai prévu quelque chose pour les serviteurs, anciens diacres et les parents de nos amis, tous les serviteurs. Sous la pluie, ce n'est pas mauvais de se mouiller un peu, d'aller à la salle de fête. Nous allons les congratuler là-bas, nous allons les saluer et ça va nous bénir. Pendant que tu vas maintenant, on va maintenant louer le Seigneur avec le cantique. Nous nous tenons debout, nous remercions le Seigneur. Tenons-nous debout, lève ta main. Seigneur, merci pour ce moment. Je bénis tout celui qui est venu dans cette église. Non seulement celui-même, ce qui est resté dans sa maison. Je consacre février entre tes mains. Quand un mois commence avec des grâces spirituelles, les grâces matérielles vont suivre. C'est pourquoi je déclare sur la vie de tes enfants toute forme de bénédiction céleste dans les lieux élevés. Je les bénis. Je bénis leur maison. Je bénis leur vie. Je bénis ce qui est attaché à eux. Père, reçois l'honneur, la puissance et la gloire. Au nom de Jésus, amen. Karibu à la salle de fête sous la pluie, la chorale. Momo inanga, oh avenir inanga, libota na manyoko, oui église en sa mère. Ma pote ya banana zambe